music. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. La trappe, let's go. 20h, 22h. La trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Wow. Bonsoir, bienvenue, on est en direct 20h04. Si on commence déjà cette émission en retard, je sais pas quel jour on va la finir. Nous avons une très grande émission pour vous aujourd'hui, on va se marrer, il y a plein de jeux. En plus on a ramené plein de nouveautés, ça va être fou. Avant ça, j'ai pas besoin de me présenter, le jingle l'a fait avant moi je pense. Mais Maëva, comment ça va? Ça va super et toi? Tu as passé un bon début de semaine? Ouais. Ouais. Ouais. Ça sent le début de semaine mitigé. Non, ouais, ça va. Mais ça va aller mieux là maintenant, je le sens. Ouais. Bonsoir quand même. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, j'ai vu qu'aujourd'hui, 18 janvier, c'est la journée mondiale des synonymes. Alors d'accord. On a essayé de chercher des synonymes par rapport à vos noms pour vous présenter de manière originale, mais on n'a pas réussi. Enfin, quand on a tapé dans le dictionnaire des synonymes, on en a trouvé un pour toi, Kix. Aïe, aïe, aïe, j'ai déjà peur. Désordre. Merci, ouais, c'est vrai, on n'est pas loin, Mais ça s'arrêtait là, donc on se dit c'est un peu maigre pour démarrer l'émission, donc c'est pas grave. On va pas faire ça là-dessus. En tout cas, vous êtes bien tombés, parce qu'on va avoir un championnat original d'ici quelques minutes. Ça se passe en Belgique, vous allez devoir deviner de quoi il s'agit, sur base des extraits du reportage qui a été tourné là-dessus. Ok. Voilà, c'est un truc bien tordu, comme on aime. On va faire un nouveau jeu, c'est un duel. On va écouter des extraits de la télévision, et on va essayer de trouver si ça vient de la télévision belge, ou de la télé étrangère. Sympa. Ouais, ouais, on va voir. Ça va être très sympa. La minute tactile, on va parler de quoi, Maëva? Alors, on va parler de 4 clés multimédia pour donner un coup de jeune aux vieilles télés. Ah, donc, c'est-à-dire qu'une vieille télé, quand on se dit, oh, pff, elle est dépassée, on n'en a plus besoin, on va la remplacer. J'ai des solutions. Oh, trop bien. Passe elle partout avec ses clés. Elle est là, ses solutions et ses clés USB. Voilà. Ah, t'as vu ça? Bon, on aura OK Boomer aussi. Et le FaceTime, ton invité, Kix, ce sera PLK. Bah, PLK, le rappeur de type rappeur. Ah oui, oui, oui. En théorie, ah ouais. Oui. Après, voilà, je ne sais pas plus que ça. Ok, mais... ça va être très sympa. Tout comme l'interview combinée, le principe, Maëva. Eh ben, on a les réponses et on doit faire les questions. Exactement. Et interview, drôle, sinon. Mais plus drôle que l'original. Voilà. Vous avez bossé cette semaine ou vous arrivez encore oui, à l'improviste? Oui. Mm-hmm. Ouais. Si, si, oui. J'ai jamais vu des têtes de menteurs comme ça. Bon alors déjà on va les faire. Au moins on est sincère. Kix, regarde-moi si dans les yeux, dis-moi que c'est fait. À moitié. Il m'en manque 2. Ça va être fait, ça va. J'ai okay. Encore un peu de temps. Bon, t'as 30 minutes et toi? Ben Kix en a toujours 2 de plus que moi. T'as rien? Non, rien. On fait pas ses devoirs quand on arrive à l'école. Mais oui, mais... Non, enfin... Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, hop, bon, au c'est tableau. Pas grave. On va faire une interrogation surprise. La séquence est avancée. On la fait tout de suite. Non, j'ai... j'ai vu le coup de stress d'un coup. Prenez une feuille. Dans la trappe jusqu'à 22h et des poussières avec vous en direct. C'est comme ça tous les mercredis. Et c'est disponible aussi en podcast pour nous retrouver, nous écouter à tout moment du jour et de la nuit, n'importe quand dans la semaine. Vous tapez Jadoul, la trappe, et vous tombez sur l'émission en entier ou en morceaux aussi pour ceux qui veulent juste écouter les séquences qu'ils préfèrent. J'aimerais avoir les statistiques de tes séquences, moi. Oui, j'ai déjà peur. Oui. C'est pas gentil. Ah, je me suis fait avoir cette semaine. On en parlera dans quelques minutes. J'ai eu un petit malin qui s'est amusé à faire quelque chose sur Instagram. Je peux vous dire que j'en menais pas large. Bon, je vous raconte tout ça dans un instant. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Juste avant, voici Damso. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Il paraît que ce qui énerve le plus les gens, c'est d'avoir des commentaires du copilote. Ah bon? Vous voyez, quand vous avez quelqu'un à côté de vous en voiture, ah ouais. Paraît que ça, c'est le truc qui énerve le plus. Surtout quand ils n'ont pas le permis, c'est-à-dire moi. Ah, mais tu te permets? Ah oui, écoute. Non, mais on il est là fait pour partie ça. De cette catégorie de personnes qui va être dans son canapé, regarder quelqu'un faire le ménage et faire t'es pas passé là. On fait le ménage? Attends, je vais vite aux toilettes. Je reviens. Il reste une tâche là, et après il retourne sur son téléphone qui est plus gras qu'une motte de beurre. Non mais il faut frotter plus fort. Hein. Oui, attention. On va avoir aussi d'ici quelques instants une nouvelle séquence qui s'appelle les infos qui passent à la trappe. Okay. Ça tombe bien, c'est le nom de l'émission. Oh, magnifique, magnifique. On a brainstormé 6 jours pour faire ça. C'est fou. Juste avant ça, voici le pour toi de la semaine. On va s'intéresser à un championnat. Un championnat belge, bien sûr. Et on va jouer, justement. On a zappé à la télé. Et vous savez, pour ceux qui regardent encore la télé, quand vous vivez ce moment où vous tombez sur une émission, en plein milieu, sans connaître le contexte. Ouais. Donc vous devez essayer de vous rattacher à ce que vous entendez. Et bon, on va essayer ça maintenant avec un reportage qui a été diffusé sur une télé locale à Bruxelles. Écoutez. Faut bien le lancer, hein. Vraiment bien droit et en hauteur. Là, c'était... Vous avez un peu trébuché. Oui. C'était catastrophique, complètement. Mais de quoi ça parle? Vous savez? Ah, pas du tout. Non. Alors, bon, c'est javelot. Indice suivant. Comme il prend fort le vent, il y a deux possibilités, hein, par au-dessus, par en-dessous. Donc là, ici, par en-dessous, je vais essayer par au-dessus maintenant. Alors, toujours pas d'idée? Non, pas du tout, là, non. Franchement. Quelque chose qui peut se dire à 20h12? Non. Très bien, dernier indice. 8m10, 8m10, pour Maxime Bismarck. C'est de la grande précision, hein? Oui, absolument. On a le laser et c'est vraiment... C'est officiel, quoi, hein, donc ça doit être juste. Donc c'est une compétition. Mais une compétition de quoi? Un championnat? La pétanque ou... Non, et on a compris qu'il lançait des choses. Un lancer de, je sais pas, de portefeuille. Non, on peut pas ça. Non, mince, désolé. Il aurait pas été à 8 mètres. Hein. 8 mètres, oui. C'est 2 petit, mètres. C'est petit, mais massif. Comme le buffet de ta grand-mère. On l'embrasse d'ailleurs, qui m'aime bien. Elle s'appelle comment? Mamie Paula. Mamie Paula. Oui. Moi, un gros bisou, Mamie Paula. Bon, si on ne trouve pas, dernier indice. 3 catégories dans ce championnat de Belgique de lancer de sapin. Ah merde, oui, il l'a dit. Écoutons les 3 catégories. 3 catégories dans ce championnat de Belgique de lancer de sapin. Et c'était pas le bon son. Les arbres pour les hommes, c'est 10 kilos. Pour les femmes, c'est 7 kilos. Et pour les enfants, on a 2 petits... Un moyen et un tout petit pour les tout petits enfants. Un lancer de sapin, c'est génial. Et un lancer d'enfants. Alors non, les enfants, on les lance pas. Ah mince. Ça vous tenterait de faire un lancer de sapin? Mais déjà, je me dis 8 mètres, bravo. Et puis, mais pourquoi? 8 mètres? Oh, tu peux m'appeler Jadoul. Un sapin, c'est... Lancer des sapins. Non, bah alors... Puis ça pique, hein. On pourrait se dire, évidemment, il y a toujours du monde pour aller voir un championnat à la con. Mais, vraie question, y a-t-il des participants? Il y a des centaines de personnes qui viennent lancer. En 2020, on avait 700 lanceurs. Oh. Maintenant, avec ce mauvais temps, il y aura peut-être un peu moins. Hmm. Mais durant toute la soirée, il y a des jeunes, des personnes qui arrivent. Et on a environ 200 enfants qui viennent lancer. 200 enfants qui viennent lancer des sapins. Ben... Eh ouais. Ah ouais, non, ça y va, je peux vous dire que... Tu fais quoi ce week-end? Je vais lancer des sapins. Ah bah y'en a, hein. Sympa. Y'en a. Non, sympa. Sympa. Oh, ça va, ouais. Bon, les jeux de mots, on les fera demain. Hein. Allez hop, là, celui-là, il va à la trappe. Bon, alors, vous savez maintenant que ça existe, mais quels sont les records? On a envie de savoir les résultats cette année, en 2023. Résultat final, un lancer de 8,70 m dans la catégorie enfant, 6,29 m chez les dames et 9,31 m pour les hommes. 9,31 m chez les hommes. 8 mètres chez les enfants? Ouais. Il y a un gamin. Mais alors, ils sont plus petits les sapins pour les enfants, c'est ce qu'ils disaient. Mais... Attends, c'est en longueur ou c'est le lancer? Enfin, c'est là où il atterrit par rapport à là où tu l'as lancé. La distance, ouais, après, il faut voir le sapin aussi. Il y a des parents, ils dopent leurs enfants pour le concours de lancer de sapin. Ils lancent tout, ouais. Ils préparent toute l'année. En hiver, ils lancent des... Chérie, on a entraîné le gamin. Il va lancer le sapin comme jamais personne ne l'a fait. Il lance le sapin, le gosse, avec un sac bien rempli. Comme ça, il va plus loin. Et qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Une soupe au poivre. Ah, très bien. Non, mais écoutez, vous savez, cette émission, on a un bureau d'enquêteurs. On a... Notre champion de l'année dernière, on l'a eu en ligne, exclusivité de la trappe. Moi, la prochaine étape, c'est de propulser le sapin de la grande place de Bruxelles. Mais aux entraînements, j'ai pas réussi. Il était encore branché avec les guirlandes dessus. Ouais. J'ai fait seulement 30 cm à cause de ça. Bon, bah tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Je vous propose qu'on continue dans quelques minutes avec cette histoire qui m'est arrivée sur Instagram. On en parlera juste après. Oula. Bizarre rap. Shakira. Ah oui, c'est le fameux clash là, avec Piqué, je pense. Oui. Dire que chaque semaine, je me promets de plus annoncer les titres. Et je continue. Enfin, c'est un titre, ça, vraiment? Je la préférais quand même quand elle faisait du roller. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Jean du Jardin sera notre rien. Attendez, on va couper, je la refais. On cut. Comme si on était pas en direct. Voilà. Voilà. 20h20, ça part déjà en cacahuètes. L'interview combinée, ce sera Jean du Jardin qui sera là. Ton invité à toi dans le FaceTime Kix, ce sera PLK. Très bien. Maëva va nous faire sa minute tactile, c'est-à-dire on retire nos t-shirts et elle nous fait durant une minute des pierres chaudes. Non, enfin. En gros, elle va nous expliquer comment être un peu écologique en gardant notre vieille télévision. C'est vrai, en essayant de la moderniser. C'est ça. J'ai tout compris. Tu as tout compris. Les astuces pour ne pas devoir investir dans une Smart TV. Parfait. Et Jean-Michel sera là, comme d'habitude, dans son troquet. On sait, Kix, de quoi ça va parler, son troquet, cette semaine? Pas du tout. Et j'aime autant laisser vraiment ça. Attendez, je crois que la production a prévu un jeu avec lui. Ah oui? Si je me trompe pas, je pense qu'on va faire un petit jeu avec Jean-Michel. Ah, décidément, c'est une émission qu'on va beaucoup jouer. Magnifique, je crois qu'on va bien s'amuser. Ah oui, puisque juste après la coupure pub, on va faire aussi un petit duel. Télé belge ou télé étrangère, vous allez avoir des extraits qui proviennent de la télévision et vous allez me dire si ça vient de chez nous ou pas. Beaucoup de jeux en fait. Ça va être très sympa. Ouais, on a envie de se marrer en fait. L'actu est tellement chiante en ce moment, on se dit que là, il faut qu'on puisse décompresser. Avec ce top 3 par exemple, Kix. Ah, j'ai plus qu'un top 3, c'est même un top 10. Oh! Ah oui, j'étais plus loin. On n'aura pas le temps, on va faire un top 5, mais. Ok, bon, bah là, vas-y. Hop, je vais dans le top 5. Donc, c'est les parfums les plus appréciés sur les réseaux sociaux cette année. Alors, pour le top 5, vous avez déjà une idée? Non, pas du tout. Bah, le Scorpio, ton parfum préféré? Mais on est chez les hommes, ah, j'ai acheté qu'une fois. Général. Faut que je vous raconte cette histoire. Il est venu au bureau un jour et il a fait: j'ai acheté un parfum. 3€. 3€ seulement. Oh, c'était 8. Enfin, je sais plus c'était combien. C'est moi, j'ai pris Marc. Non, mais c'était un autre magasin, mais du style, oui. Il me sort son coffret, mais c'est un Scorpio. Il fait, ouais, c'est trop bien. Mais ça sent moi, bon. Je sens le prof de sport. Bah, ça magnifique. Non, ça sent. Ça sent le sportif. Je vexais personne, mais ça sent pas bon, quoi. Ça sent le Jean-Michel, l'ivrogne. Ok, bref. Bon, allez. Donc, en top 5, nous avons Aventus de Creed. Ce n'est pas du tout. C'est nous sentir un peu. Aventus de Creed. Je le découvre là. Voilà, je le découvre. Alors, si aussi, cette séquence, ça va être 5 noms dont on va rien comprendre. Non, mais c'est possible, mais c'est dedans. Moi, j'invente pas les parfums. Ok. Hein. En top 4, nous avons Miss Dior. Ah oui. Ça va ça? Ouais. Mais attends, j'ai un pronostic pour la suite. Il va sûrement y avoir, si c'est sur les réseaux et tout, il doit y avoir Ariana Grande qui a fait des parfums, non? Ah, c'est pas du tout. Oui, il doit y avoir des trucs de stars. Je découvre en même temps que vous. Hein. Oh putain, c'est mais Bruce qui... Excuse-moi. Prends ton temps, Kix. Bon, en numéro 3, nous avons le numéro 5, Chanel. Ah. En numéro 3, on a le numéro 5. Voilà, okay. c'est logique. Très bien. En numéro 2, nous avons le Dior Sauvage. Ah oui, c'est celui avec la pub avec Johnny c'est Depp ça. Qui est trop beau. Ouais. C'est et Johnny un loup. Depp ou la pub? Non, le loup. Ah, c'est plus quoi dire. Je suis écouté, ok. Mais... Et en numéro 1. Une soupe au poireau. On ne se parfume pas avec un poireau. Bon, ça dépend. Nous avons le Baccarat Rouge 540 de la maison Francis Kurdjian. Voilà. Le Baccarat. D'accord. J'ai l'impression que c'est un alcool. Pas le Bacardi. Ouais. Le Bacardi, mettez-moi un Bacardi rouge, s'il vous plaît. Ça 540. Avec modération, bien sûr. Bon. Eh voilà. Ben, c'est super, ça servit à quoi? Ça nous a pas aidé, mais. Mais imagine que quelqu'un porte ce parfum-là et nous écoute, il s'est senti spécial. Donc, pour cette personne. Comme ceux qui mettent du Scorpio. Je me suis senti spécial là, tu me suis senti revivre. Tu peux mettre à l'ordre du jour cette séquence pour la réunion de demain? D'accord, merci. C'est noté. L'interview combinée sera là dans quelques minutes. Ne bougez pas. Ah là, j'ai bouché sur un bouton, ça a fait de la guitare. Ah non, ok, c'était Lorenzo qui arrive d'ici quelques minutes. Ah, voilà, c'est mon premier jour de radio, s'il vous plaît. Ah, mais tu touches à tout. Genre. Bah, j'essaye. On se retrouve juste après cette page de pub. La page de réclame qui va suivre vous êtes offerte par Radio Falminioul. Votre état de santé nécessite des soins occasionnels ou réguliers. Vous habitez l'entité de Saint-Guilain, Boussu, Ornu. Christelle, infirmière à domicile, très appréciée d'une large patientèle dans ces régions, se déplace 7 jours sur 7 pour tout type de soins. Rénovation intérieure et extérieure, chape, carrelage, plafonnage, crépi, maçonnerie, égouttage, plateforme, rejointoyage, clôture. Patron présent sur chantier. Christelle met à votre service sa compétence et 18 ans d'expérience dans le domaine paramédical. Pour renseignements, études et devis gratuits, un conseil utile, mémorisez dans votre répertoire téléphonique le 0 474 592 213 394 452 @hotmail.com. Numéro d'appel de l'infirmière à domicile Christelle, notre savoir-faire à votre service. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Ou pas, on sait pas. 22h, c'est la trappe sur KIF. Radio Falminioul qui sera d'ailleurs de retour de tout à l'heure avec une grande séquence. Je sais pas ce que ça va être. Ah oui, je pense qu'ils ont organisé un événement. On va se connecter là-bas, sur place. Ça va être fou. Merci de nous avoir choisi la trappe. C'est jusqu'à 22h en direct maintenant. Mon père, okay. C'était pas lui qui avait fait un album avec toutes des chansons de 30 secondes. Si, c'est ça, oui. Lorenzo. Lorenzo. Mmh. Ah, il débarque, fout de la merde. Hein. Mais il avait pas fait un album aussi qui connaît cette histoire Oui, avec les cigarettes, enfin les. Oui, les, oui, la pochette c'est des cartons pour faire des cartes qu'on roule et à l'intérieur il y a des feuilles pour. Bah rouler. Oui, elle connaît il y a toujours ça. Des idées. Évidemment. Mais enfin. D'ailleurs, merci d'être venu de Tapos Club pour continuer cette émission, Maëva, ça nous fait toujours plaisir. J'espère vraiment que les auditeurs ne voient pas la fumée qu'il y a dans le studio. Non mais c'est fou. On espère aussi. Tout ça devant son père qui est dans le studio. Non mais c'est incroyable. Et heureusement qu'il n'y a pas de bonnette après les vous micros. Savez, c'est la première fois qu'il vient dans le studio. On peut lui dire bonjour. Tu nous autorises, oui. Maëva. Oui. C'est le célèbre DJ FLP. Et il peut s'approcher d'un micro qu'on discute un peu avec lui. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça donne le ton. Donc, c'est votre fille par la présente. On le dit. Ouais. Tout à fait. Mmh. Ouais, vous êtes au courant pour la soupe au poireau. Vous êtes au courant pour toutes ces histoires de clopes et tout. Oui, un petit peu, mais je sais qu'elle est raisonnable. Ouais. Enfin, ça dépend avec qui. Hein. Pas quand elle est ici. En tout cas, hein. Oui. On veut pas t'afficher, Maëva. Hein, mais je n'ai jamais fumé ici, Jadoul. C'est vrai? Non, mais oui, mais. Alors je vais montrer devant à ton père ses photos. Mais vas-y. On ressort les caméras de surveillance. Non, vous inquiétez pas, elle entre de bonnes mains ici, on essaie vraiment. Ouais, je n'en doute pas, oui. Qu'elle se calme, parce que bon, voilà, on essaie de la sevrer à coup de Donald Meul et de. Une soupe au poireau. Mais on sait pas si ça va suffire. En tout cas, merci, monsieur FLP. Et alors. Merci pour l'accueil. On va voir si. Ça vous tenterait d'animer le Blindclet en fin d'émission? On va briefer un peu comme bien ça sûr, sur sans en improvisant. On vous montre comment la machine comment la machine fonctionne et tout. On a tous les sons et vous animerez le Blindclet. Ça vous tente? On peut essayer, ouais. Allez, parfait, c'est dealé. Ouais, comme ça, quand c'est fait à l'antenne, on n'est pas obligé de payer les gens. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. On va faire maintenant un petit duel. On va essayer de deviner si des extraits proviennent de la télé belge ou de la télé étrangère. Ok. Bon, Maëva, tu regardes encore un peu la télé, toi? Non. Enfin, non. Non, ouais. Des certaines émissions avec Mamie Paula. Je redonne ça avec les stars. T'as enfin, vu Cyril Ferraud, il a changé de coiffure. Non, mais c'est vrai que quand. Ouais, non, moi toute seule, jamais. D'accord. Kix? La télé. De temps en temps, enfin non, quasiment plus non plus. Bon, bah voilà, c'est le problème, c'est le mal. Je suis juste tombé sur une émission, Kassipar, on va parler tout à l'heure. Ah. Mais ouais. Mis à part ça. Bah justement, premier extrait, télé belge ou télé étrangère. Donc vous êtes seconde d'accord chose, avec dans la pratique, ce n'est pas comme cela dans la pratique. Il dit dans la pratique, c'est pas comme ça, il est premier mission. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Il y a repentance aujourd'hui parce que ça devient public. Pression sur l'opinion publique. Attendez, ça c'est. Je suis porteur d'une lettre du pape. On parle d'autre chose. Un débat qui fait beaucoup de dégâts. Pas mal de mettre la trappe. Ouais. Ah, c'est pas la trappe? Non, c'était pas dans la trappe, ça. Belge ou pas belge? Pas belge. C'était belge. Controverse. Alors, moi, j'ai pas le temps de donner mon avis. Mais non, c'est chacun son tour. Ah, ok. Je viens de comprendre aussi. Ah, ça va, merci. D'ailleurs, j'ai laissé parler en premier. Voilà, désolé. C'était belge, c'était RTL TVI en 2010. Attention, suivant extrême, Maëva. Télé étrangère ou télé belge. Bon, ben j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes prêts, hein, parce que oui, on a pas mal de sujets à développer ce soir. C'est français, ça. C'est français? Oui. Alors, c'est étranger, tu veux dire? Oui. C'est effectivement étranger, mais ce n'est pas français, c'est la télé ivoirienne. Pardon? Ah bon? Ouais, NCX, ça s'appelle. Nouvelle chaîne ivoirienne. Du coup, il voit pas bien. Oula. Allez, Maëva, décale-toi un tout petit peu. Vas-y. Oui, d'accord. Voilà, à tout à l'heure. Kix? Oui, concentre-toi. Vous prenez la réponse C. Christian? Oui. Alors? Oui, allez. Le sumo est d'origine japonaise. Bon, alors, vous partez donc avec 500 euros. Télé belge ou télé étrangère? Je sais pas, j'entends bien. Oui, Harley. Donc, tu dirais télé belge? Moi, je dirais belge, mais je me rappelle pas d'avoir vu cette émission. Bonne réponse. C'était Qui sera millionnaire, la version belge de Qui veut gagner des millions en 2004. Voilà. Et c'était Jean-Michel le participant. Jean-Michel le participant. Alors, Jean-Michel qu'on retrouvera dans quelques minutes dans son troquet pour un petit jeu qu'on a organisé spécialement pour lui. Il est pas encore au courant, ça va être très sympa. Moi-même, j'étais pas encore au courant, donc ça va être vraiment cool. Bah Eva, concentre-toi. Voici le prochain extrait. Télé belge, télé étrangère. On les a perdus. Elles sont toutes. Quelle ambiance. On est debout. Qu'est-ce que vous ressentez, Emmanuel? Une émotion absolue. Je suis ravie. Vous avez fait ça à merveille. Ok, oui. Oh, Mireille aussi, elle est super heureuse. On est très, très, très fiers. Belge. Bonne réponse. Pour le Mireille. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui trahissent. Hein. Même pour le premier, en fait, je suis bête parce que j'ai entendu aussi l'accent belge dans le premier extrait qu'il y a mis. Eh oui. Tiami. Ah mais c'est que de la concentration ça. Kix le suivant, oui. Attention. Et salut à tous, donc là on se retrouve en direct dans ma salle de bain. Bon, c'est français ça. Ah étrangère, pardon. Bonne réponse. C'était cadeau ça. Hein. Vraiment. Ouais, les français slaves, boue. Maëva. Aurel. Waouh. Waouh. Waouh. Franchement c'était très très beau. La créativité, la construction, la chorégraphie, le synchronisme, comment vous avez séquencé aussi. Oula, non, ça c'est étranger. C'était toujours la même émission que tout à l'heure. Surprenant le son là. Ça wow. Oui, je peux vous faire perdre un point d'audition à chaque fois que je le diffuse. C'est pour ça qu'il faut faire des bonnes réponses. Ça a déjà commencé. Kix, concentre-toi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vais y arriver, ça commence mal. Bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Ça c'est Macron. Mais c'est étranger. Étranger, bonne réponse. Bon. On en est où au niveau des points? C'est une blague. C'est une blague. Il n'y a personne qui a compté les points. Non mais il est où Maître Enfaros qui compte les points d'habitude? Ça me semblait bien. Bravo. Non mais vous avez entendu, on a diffusé deux extraits de The Dancer, la nouvelle émission de la RTBF. Et la dernière. Non, je rigole. Et la dernière. C'était diffusé quand? Hier. Ah ouais. Je donc, c'était la grande première donc, de cette émission, The Dancer pour le dire en anglais. C'est ça. Bon, alors, pour ceux qui ont loupé l'émission, ça donnait ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans The Dancer. Accueillons tout de suite nos trois coachs de véritables stars de la danse. Ce sont trois coachs de renommée internationale. Hop, on passe du plateau à une voix off. Ce sont les candidats et tenter de les emmener jusqu'en finale. Laurine Décibel, originaire de Lille. Et là, on repasse en plateau, on repasse en voix off. Franchement, c'était imbouffable. Je suis désolé, oui. Les premières minutes de l'émission étaient imbouffables. Bon, même les dernières. Hein. Oh. Ah oui, on peut écouter le au revoir. C'est trop d'émotion. Mais c'est ça, de Dancer. Yes. Merci au public d'avoir joué un rôle si important ce soir. Merci aux coachs Agustin Galliana, Laurine Décibel et Aurel Zola. Et la fin était tellement mais nulle à chier de l'émission. Mais j'ai pas compris en fait le principe. Ils disent au revoir, puis là tu les vois partir, puis ils sont sur la scène, ils font coucou, puis c'est fini. En fait, c'est quoi le je pense le but que ils voulaient déjà faire un duo qui incarne l'émission et ils les ont mis là sans savoir ce qu'ils allaient faire. Oui. Donc voilà, ils ont été un peu lâchés en pâture, je pense. Donc ils arrivent en dansant, ils animent, ils présentent un peu, puis on les voit plus. On les voit juste en plan de coupe, c'est en train de danser, ouais. Voilà, dans le fond, et après ils reviennent faire un lancement pub, et puis ils repartent. Et j'ai pas bien compris parce qu'il y avait plusieurs personnes qui animaient cette émission. Le studio était pour moi ultra mal agencé parce qu'on avait l'impression que c'était le studio de La France a un incroyable talent. Des énormes gradins, c'est le principe, hein. Avec que des gens et un pupitre au milieu avec ses coachs qui étaient perdus, enfin ses chefs d'équipe. Enfin, ouais. C'est un espèce de mélange de plein de trucs. Et le fait que ce soit enregistré et monté à la truelle, faut pas avoir peur des mots, c'est que on entend. Tous ces cuts là, il suffit d'écouter juste les premières secondes du au revoir. C'est trop d'émotion. Mais c'est ça The Dancer. Il y a eu un cut, vous ouais. Entendez, c'est ça The Dancer. Paf. Wouh. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Et c'est sûr, ça, c'est des faux applaudissements en plus. C'est le problème. Mais non. En applaudissements. Fait, c'est hop, pas voilà. Des faux applaudissements, à mon avis, ils enregistrent 2-3 applaudissements pour faire des petites rustines au montage. Ouais. Enfin, c'était compliqué. Écoutez, on a l'impression qu'ils s'écoutent pas entre eux dans l'émission. M'en parlez pas parce que je suis. Chut. Attends, pardon, j'avoue. Je... Bienvenue dans mon équipe. Ok. Okay. Mais c'est parce que c'est mal monté. J'ai hâte de travailler avec vous. Mais c'est au-delà du montage, c'est que les coachs se parlent les uns sur les autres, oui. Ils ne s'écoutent pas. Et alors peut-être qu'il y a un problème de sono, ça arrive souvent sur les plateaux, t'entends pas très bien les autres intervenants. Après, je pense qu'ils avaient des oreillettes, mais c'est compliqué. Heureusement qu'il y avait des fortes personnalités sur cette table-là. Par exemple, Augustine, comment Augustine Galeana. En fait, oui, je suis énervé parce que vous n'êtes pas avec moi, mais je suis très content que vous soyez déjà dans les shows. Félicitations. Bravo. Je suis très content que vous fassiez partie de cette aventure. Bravo et bienvenue. Bravo. Mais voilà. Il est acteur, lui, de base, non? Oui, ouais, il fait la série Clem, je pense. Oui, c'est ça, mais il n'est pas juste acteur? Moi, je l'ai connu grâce à Danse avec les Stars, oui, en fait. Mais donc, il n'est pas danseur. C'est un peu comme Bilal Hassani qui devient coach, alors que... Oui, mais c'est compliqué en Belgique. Hein. C'est très compliqué en Belgique d'avoir des personnalités. Il s'était vraiment démarqué dans Danse avec les Stars, je me souviens, mais je ne sais pas si... Peut-être, mais il est chanteur aussi, et peut-être qu'il danse un jour. Bah, je sais pas. Ça... En tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment bien, et je le dis sincèrement, c'est super d'avoir mis une émission à un gros divertissement comme ça, qui coûte très cher sur la U. Mais je pense que ça manquait juste un peu de production. Bon, on va dire que c'est la première. Oui, mais attention, mais tout est fait, tout est enregistré. Là, ils attendent, ils vont les diffuser les uns après les autres. Ah oui, non, d'accord. Attends, faut pas croire qu'ils vont corriger le tir entre temps. Il y aura peut-être un peu du montage qui va changer entre la diffusion d'hier et la prochaine diffusion. Mais globalement, une fois que c'est fait, tu peux pas changer les choses. Parce que là, comme ça... De toute façon, ils sont faits. C'est un peu brut, quoi. Ils sont faits, il faudra les diffuser et puis voilà, faut avancer. Enfin bref. Même le système de vote, j'ai trouvé ça ridicule parce que même avant que ça commence, tu vois déjà le compteur qui commence à augmenter alors que les gens viennent à peine d'arriver. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission. Pour ceux qui n'ont pas regardé, en fait, tous les téléspectateurs, enfin tous ceux qui sont dans le public peuvent voter et dès qu'ils allument une lampe, en fait, ça fait tourner un espèce de compteur et quand ça arrive à 75%, Les portes s'ouvrent et on peut voir les danseurs et donc ça leur permet de passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission qui diffusait sur Plug RTL en 2014. C'était Rising Star avec un mur qui se lève. Exactement. C'était Guillaume Play qui animait ça. Le mur se levait en fonction des votes et tout. En fait, donc le concept, c'est ça. C'est le même concept avec le système des jurés de The Voice, avec le système de. Tout était regroupé en une seule émission. Voilà. Mais je trouvais ça débile en fait que dès que t'arrives là, le danseur il arrive à peine sur place, il y a des gens qui commencent à voter. Ouais, et donc, je trouve ça. Par contre, on va pas passer l'émission à parler de ça parce que là on commence à reprendre du retard et pour parler de The Dancer, c'est un peu dommage. C'est vrai. Surtout que si on a bien compris, vous avez pas aimé quoi. Eh oui, attention, elle est de retour. Il y a du bon, mais il y a avec pas que du bon. Avec son fouet, vous êtes en retard. Merci Maëva. J'ai ma cigarette qui m'attend. Avec plaisir. De toute façon, on déversait notre haine, c'est pas gentil. Oui, oui. Alors qu'il y a plein de gens qui aimaient bien cette émission. C'est pas le concept est bien. Oui, le concept est bien. Peut-être. Mais à revoir. À produire différemment, peut-être. Voilà, affaire à suivre. Une émission brassée avec notre savoir-faire se déguste avec sagesse. À consommer sans modération. Waouh. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Bienvenue, on est en direct avec vous et on est déjà super en retard, Maëva, non? Oui. J'ai pas encore compté, mais voilà. Ah bah c'est simple, je peux te le dire, on a exactement 10 minutes de retard. Donc on a fait pire. C'est bien, juste et après. Et on fera pire. Oh là là, et j'espère qu'ils ont rien prévu après 22h parce que nous on prolonge. Nous, c'est les prolongations. On continue, hein. J'allais dire une vanne, mais c'était méchant et très gratuit. Et comme on vient d'être méchant dans la séquence juste avant, on va être très gentil maintenant, puisqu'on aura Jean Dujardin qui sera notre invité dans l'interview combinée. À nous de faire des questions rigolotes et on aura les vraies réponses par contre de Jean Dujardin aux questions qui lui ont été posées par le média combiné. Mais juste avant, vous avez une vieille télé qui est pourrie. Vous vous dites, oh, je l'ai changé, pas capable d'aller sur YouTube. Maëva a des solutions. Oui, parce que oui, à l'heure actuelle, beaucoup de monde possède une Smart TV, donc une télé qu'on connecte à Internet et sur laquelle on a des applis. Toutes les applis sont déjà dessus et on peut les télécharger comme des applis comme Netflix, YouTube, mais aussi Facebook ou même Spotify. D'ailleurs, ici, qui c'est qui a une Smart TV parmi nous? Alors, moi, perso, parce que je suis tellement peu chez moi et je regarde tellement peu. Oui, j'ai une Smart TV. D'ailleurs, cette télé est formidable, il n'y a pas les chaînes. Il a juste Mario Kart. Non, mais c'est vrai que pour les fêtes, j'ai eu Mario Kart. Donc, c'est la première fois que je geek un peu. Hein, je joue, je suis un gamer maintenant. Non, mais c'est. On devient connecté. Mais c'est pas ça, mais c'est que. Déjà, je suis jamais devant ma télé. Et dès que je suis devant ma télé, je regarde un peu YouTube ou Netflix et puis je coupe. Donc, à quoi bon prendre un abonnement télé, surtout qu'en Belgique, c'est hors de prix. Donc, voilà. Pour aucun poste. Pas de regret. Et la télévision de ma chambre, qui était pas Smart Télé, vient de claquer. Ah. Elle a rendu l'âme. Vraiment, j'étais en train de regarder un truc Netflix dessus avant de m'endormir et puis j'entends. Et là, je regarde la télé, je fais. Ok. Ça, c'est qu'elle est foutue. Alors, comme vous savez, je suis un peu l'inspecteur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Deux fils, c'est d'accord la terre qui passe là, très bien, il y a eu un petit corjus. Alors, c'est simple madame, il suffit de prendre votre tournevis, vous ouvrez, là vous remettez un goujon et... Alors non, pas du tout, j'ai pas su la réparer. Je pense qu'elle va voler à la poubelle et je vais m'acheter une nouvelle télé. Justement, peut-être que je pourrais me prendre une télé qui est pas smart, parce que je pourrais la rendre smart. Oui, voilà, donc mais du coup j'ai des solutions pour les plus pauvres, hein, voilà. C'est des clés multimédia, donc des genres de petits boîtiers qu'on connecte à Internet, puis à la vieille télévision, et ça fait un peu le rôle de passerelle, et on a toutes les applications sur la télé. D'accord, c'est un système d'exploitation pour la télé que tu viens brancher dessus. C'est ça. Ok. Alors, ma solution n'est pas nouvelle, hein, ça existe depuis environ 15 ans, plus ou moins voilà. Quand la Smart TV est apparue, mais voilà, on a fait beaucoup de progrès depuis 15 ans, et il y en a plein, c'est vendu de 31 à 219 euros, il y a beaucoup de modèles présents sur le marché, et moi j'en ai sélectionné 4, et 4 meilleurs pour vous. Trop bien, alors le problème. Premier. Le basique, tout le monde le connaît, le Chromecast, je suppose. Ça coûte pas cher, c'est pratique. Ouais, c'est ça. Là, c'est Google, ça s'installe en une minute avec un QR code sur l'écran. Bon, ça prend un peu plus de temps s'il n'y a pas le compte Google, mais voilà. Il y a une petite télécommande aussi à distance, ça c'est nouveau. Et du coup, on peut mettre toutes les applications qu'on veut via le Play Store. Et il y a aussi 5 gigas en plus pour stocker des films et des séries si on est en déplacement. Ok, pas mal. Et ça coûte 31 euros seulement. Seulement. Très bien. Et si on veut la version 4K, c'est un peu plus cher, c'est 55 euros. Voilà. De toute façon, comme je dis toujours, ça sert à rien d'acheter du 4K si vous regardez pas du contenu qui est de base en 4K, comme c'est la 3/4 des choses. Et puis pour que ça bug, parce que c'est plus lent le téléchargement et tout. C'est tout ça pour voir les verrues de François de Brigueux. Ouais. Bon, allez. Bon, le deuxième, c'est le streaming stick 800 de Nokia. Donc, en gros, c'est le Chromecast, mais Nokia. Si vous voulez qu'on fasse plus rapide. Mais là, il y a une petite télécommande aussi. La différence, c'est qu'elle lume. Ah, voilà. Elle lume. Là, on n'est plus sur Google, mais sur une Android TV. Donc, il y a plus de 7000 applications. Mais bon, en soi, on va pas se mentir, on télécharge toujours les mêmes applications. Et qui prend le temps à être sur une application? On va peut-être pas rentrer dans ces débats là maintenant. Okay. Peut-être pas, non. Ouais. Alors, le temps tourne. Hein. Respirer. Quel est l'intérêt? Non, mais si on prenait 5 minutes juste pour faire un point sur la vie. Une application, on l'a téléchargée, mais. Ça tue les oiseaux, hein. Dans le fond, pourquoi faire? Ai-je besoin réellement de télécharger TikTok pour perdre 45 minutes de ma journée? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir faire une séquence sans que vous m'embêtiez? Ah, c'est vrai. C'est pas le genre de la maison. Il me semblait bien. On te laisse poursuivre. Du coup, pour le streaming stick puissant de Nokia, il y a la différence, c'est la petite télécommande qui lume, mais aussi le prix, parce qu'on en est sur du 59 euros. Okay. Mais c'est uniquement 4K. Du Très coup, bien. C'est plus ou moins le prix du Pro Chromecast, mais 4 euros plus cher pour la télécommande qui lume. Le suivant. C'est Amazon, cette fois-ci, avec le Fire Stick 4K Max. Donc là, j'aime bien les sticks. Hein. C'est tout. Pardon, je me tais, oui d'accord, je vous laisse poursuivre, je suis désolé. Il est plus puissant, il est plus rapide, il y a moins de bugs, il y a une meilleure qualité et il est aussi plus intelligent. Par exemple, si t'as plusieurs plateformes de streaming, donc t'as Netflix, t'as Prime, t'as Disney, etc. T'es pas obligé de chercher. Pardon, je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Je vais m'énerver. Tu veux qu'on quitte le studio et qu'on te laisse finir? Oui, allez, on va faire ça. Tiens, Kix, on se barre. J'arrive. Et hop. Je suis un talentaine pour toi, tu fais ça bien. Hein. Donc, avec la clé multimédia Amazon, si on veut chercher quelque chose, on n'est pas obligé d'aller sur l'application une par une. On demande juste à la télécommande, parce que c'est une télécommande aussi à recherche vocale. On demande, voilà, moi je veux regarder tel film, et lui va dire sur quelle application c'est exactement. Donc, c'est plus rapide. Mais qu'est-ce que c'est, Clope? Mais. Pardon, non, mais. Là, vas-y, poursuis. Là, le prix, il est de 64 euros, donc c'est un peu plus cher, mais. Amazon, le 64 euros. Mais oui, mais si t'avais écouté, je disais qu'il y avait plein de trucs en plus. L'intelligence, la télécommande qui parle. Et le dernier, bon ben là on peut pas faire sans en parler, mais on est sur un autre budget bien évidemment, c'est l'Apple TV. C'est quand même la Ferrari des clés multimédia. Ouais. C'est plus rapide, c'est top qualité, c'est intelligent, mais voilà, c'est un autre budget. Mais c'est vraiment pratique si t'as tout Apple, parce qu'il y a vraiment un écosystème, tu peux tout régler si t'as tous les appareils. pareil. Si t'as les applications, les abonnements Apple Fitness pour le sport, Apple Gaming pour les jeux, avec Loot pour les photos. Donc voilà, tout est connecté. Et aussi, il y a une petite télécommande, vu que j'ai dit pour chacun. Et la différence. La télécommande est comprise. La télécommande est comprise. Mais là, on est sur un prix de 269 €. Donc c'est plus cher. Mais voilà, savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux parler? Vas-y, je te donne la parole, Jadoul. Merci beaucoup, je vous remercie. J'ai la question qui tue. Avec toutes ces télécommandes, est-ce que les piles sont incluses? Tu l'avais pas vu arriver celle-là? Tellement pas. Je ne sais pas. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Vous voulez avancer? Désolé. On va retrouver Jean Dujardin dans quelques minutes pour l'interview combinée. Merci pour cette séquence, Maëva. Retrouve un podcast. Bien sûr. Un petit morceau. Est-ce que dans le podcast, on va couper toutes les interruptions que vous avez faites? Non. Ah, c'est ça qui donne le croustillant. Je ne vois pas de quoi on parle. Hein. Ah, c'est comme une purée Lunch Garden qui reste sous la lampe chaude. Hein. Ah, c'est comme le freestyle. Croustillant. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Oh, mais bien sûr. Voici la séquence interview combinée. Comme dit Maëva, c'est le seul moment où on est concentré dans le studio, juste avant. On est tous comme des gentils élèves en train de gribouiller sur nos feuilles des questions pour essayer d'être drôle. On essaie de reprendre une interview combinée du Média Combini pour en faire une interview combinée et le moins drôle d'entre nous. Coup de téléphone, ça vous va? Combiné. Ouais, ben, un combiné de téléphone, oui, quoi. Oh là, il faut faire le lien. Rien, là, oui. C'est pas possible. Vous êtes tous prêts? Vous les avez tous? Oui. Oh là là. C'était pas la même ambiance il y a une heure. Hein. Vous êtes prêts? Non. J'ai l'impression d'être en secondaire. Tu sais, quand tu faisais les trucs pendant la récréation, là. Vite avant que ça reprenne. T'as quoi? Moi, c'est chiant parce que je trouvais ma feuille. Parce que comme j'écrivais sur, tu sais, mon jeans, sur la feuille et tout, le truc était plié, chiffonné. Je rendrais. Mais, et pire que ça, une fois que je l'avais fait tout proprement, je glissais ma feuille dans mon sac et après je mettais un classeur. Le coup classique. Écrasé dans les profs te détestaient. Pas soigneux. Oh bah, il suffisait que je leur dise bonjour pour qu'ils me détestent. Il n'y a pas une histoire de banane aussi, une fois une banane écrasée, ou c'était mon sac, je sais plus. Non, ça c'était ton sac. C'était moi. D'accord. Le gars, il essaye de mettre les histoires pourries sur les autres. Je savais qu'il y avait une histoire de banane écrasée au fond d'un sac. C'est ta vie pourrie, Kix. On joue avec Jean Dujardin, acteur. Oui. Bien connu. Très bien connu. La première question. Mon cerveau le lundi. Sympa, mais un peu lent. Ça marche, Maëva. On est sur la même longueur d'onde. Kix. Sympa, mais un peu lent. Ouais. En un mot, peu lent. Ah bah décidément, on reste très auto-centré sur l'émission. J'avais ce début d'émission. Sympa, mais un peu lent. Deuxième question. Alors, ce qu'a pensé le premier mec qui a embrassé Maëva Guénam? C'est vraiment très très chimique. Tu m'as vraiment, vraiment fait peur. Non, non, toi t'arrives après, t'inquiète pas. Donc, tu fermes bien ta gueule. Alors, tu connais quelqu'un qui a déjà mangé de la bouffe pour chien? C'est vraiment très très chimique. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, j'ai jamais essayé, moi. Moi, ça me fait vraiment très peur de bouffer un jour de la bouffe pour chien. Ou les croquettes même, mais c'est une petite croquette d'avoir fait ça. C'est tentant, hein. T'as jamais essayé petit? Non, non. On n'avait pas les mêmes délires. Bon, on a tous fait ça. Non, mais je, non. Non, mais ça va. Qui t'a fait ça? Dès qu'il y a un petit chien sur eux, non. Non, je l'ai pas fait, non. Non. C'est étonnant, mais je l'ai même pas. Quand t'étais petit. Ouais. Mais c'est un pari. Bon, les amis. Oui, pardon, désolé. Bouffe pour chien, je veux bien, mais il y en a encore qui passent à table à cette heure-ci. Bon appétit. Moi, j'avais boire un Monster. C'est vraiment très, très chimique. Oh, mais c'est pas drôle, c'est vrai, mais pas drôle. Mais c'est vrai. Mais pas drôle. Moi, j'ai rien dit. Hein. Tu veux bien appuyer sur le bout? Voilà. D'ailleurs, du coup, le premier qui était le moins drôle, c'était mon cerveau le lundi ou Kix. Ouais. Oh, je me le prends, moi. Voilà. C'est moi qui étais le moins drôle sur la précédente question. Troisième. Il s'autofouette, ok. Bon, comme j'ai dit, hein, je revenais sur Maëva. Ce que nous dit Maëva hors antenne à propos de ses cigarettes? Généralement, je les vois, je les sens, j'ai envie de les jouer immédiatement. T'es obligé, je suis désolé. On rappelle que son père est dans le studio et assiste médusé à toutes ces. Médusé. Ces révélations, hein. Bon, bref. D'ailleurs, il m'a aidé à compléter. C'est lui qui t'a tué, tu sais. Si tu croisais un zombie de Walking Dead? Généralement, je les vois, je les sens, j'ai envie de les jouer immédiatement. Ouais, voilà, c'est drôle. Quand j'ai des sons sur mon écran. Généralement, je les vois, je les sens, j'ai envie de les jouer immédiatement. C'est parti, hein. Ouais, non, je vais me calmer. Quatrième et dernière. Devant Axel Red, pardon. c'était bizarrement pas tellement pour le public à ce moment-là. J'avais besoin de le faire pour moi. Non, je voulais juste t'emmerder. Ah oui. J'aime bien. Soit je me suis encore trompé ou alors. Non, mais parce que c'était trop propre jusqu'ici. Du coup, je remets dans le contexte. Hein. Ouais, ouais. Devant Axel Red. J'ai rougi et je sais pas pourquoi j'avais fait ce truc-là. Mais... Malin, Red, je rougis. Oh, c'est fort. Tu dis ça parce que c'est toi qui l'as noté. Alors, il paraît qu'on vous a arrêté pour exhibitionnisme. J'ai rougi et je sais pas pourquoi j'avais fait ce truc-là, mais... On est d'accord, c'est pas moi que tu regardais. Hein. Non. Jadoul, bien évidemment, qui enlève tout le temps sa ceinture. Ouais, j'aime bien enlever ma ceinture. Regarde, aujourd'hui, j'en ai pas. Ah, mais voilà. Voilà, pour éviter. Oublier. C'était pour éviter de l'enlever aussi en émission. Qu'est-ce qu'il va enlever, du coup? Oh là, c'est bon, encore la sécurité. Reste un caleçon. Avant, il y avait la ceinture de sécurité. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ah ben, ça y est, on va démarrer la deuxième partie de l'émission d'ici quelques minutes. Ça va être trop bien. Il y aura le hockey boomer. Maëva va nous parler de casque audio. On va avoir aussi le FaceTime. Ton invité, c'est PLK. Trop bien. Les amis, c'est moi ou c'est le son qui est passé il y a 40 minutes? C'est ça. Ah, ok, d'accord, très bien. C'était donc la réponse à Shakira à monsieur... Piqué Gérard. Ancien footballeur à Barcelone. Ouais. Mais il y a des histoires d'amour en ce moment. Il y a des trucs et des vengeances dans la musique. On vous en parlera d'ici quelques minutes. C'est Breaking News. Attention. Ouais. Oh. Tu vas nous préparer ça, Maëva? Oui, oui, je vous parle de ça juste après. Parfait. Ça, c'est ma musique de fond. Décidément, aujourd'hui. Alors, tutoriel, comment se servir? Qui fait ça? Qui? Mais pour excuser Jadoul, il y a le programme. Tu dis pas, tu t'excuses pas, le programme a changé, donc tu as du mal à t'habituer. C'est ça. Donc, tu as de vraies raisons de galérer. Voilà. Et en vrai? Non, mais c'est ça la vraie raison. Allez, on envoie la suite. Grand concours de la boîte de poireaux arrive dans quelques minutes. Vous allez pouvoir remporter, attention, un an de cassoulet. Oh non, Dieu! Oh, vous allez vous amuser avec nous. Nous allons tout de suite faire tourner la fanfare en folie. 1, 2. Ceci dit, les boutons et les logiciels ont changé et pourtant nos délires restent les mêmes. Et c'est pas le bon bouton. Mais c'est pas le bon bouton non plus, mais enfin. Appelez-moi quelqu'un! Je chante le générique? Ouais, c'est mieux, ouais. h 22h, c'est la trappe. C'est Jadoul sur KIF. Merci de nous avoir choisis. Ça y est, j'ai donné des coups de casserole. Normalement, tout devrait fonctionner. Non, mais c'est vrai, je fais de la radio avec des moufles. Qu'est-ce que vous voulez, moi? C'est trop petit, un curseur pour mes grosses pattes. On a plein de choses pour vous. On va voir Jean-Michel qui sera là. Jean-Michel qui est déjà arrivé dans le studio. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir. Oh, salut, bonjour à tous. Bonjour. Comment va? Ça va. Oh, on se calme. Non, alors déjà, vous n'avez rien préparé cette semaine parce que nous avons prévu quelque chose pour vous, Jean-Michel. Ah bon? Mais vous oui. avez fait quoi? Bah, on va pas vous le dire, c'est une surprise pour une tout surprise. À l'heure. Non, mais je ne vais pas attendre, moi, je suis impatient. Hein. Ah, il faut que je vois ça, hein. Vite. FaceTime sera là avec PLK qui sera ton invité, Kix. Oui, c'est bien ça. Radio Falminoul, on s'y connectera d'ici quelques minutes. On aura un certifié incroyable, ça arrive juste après cette séquence qui s'appelle Hockey Boomer. Maëva, tu nous as trouvé une info, c'est sur des casques un peu spéciaux. Oui, pour pas abîmer ses oreilles, des casques à conduction osseuse. Donc, c'est-à-dire que c'est un nouveau type de casque qui n'obstrue pas les oreilles. Donc ça se pas dedans. Non. Voilà, pour être clair. Et en gros, c'est contre l'os, enfin contre l'os avec les vibrations, c'est etc. Ça. Ouais. Et grâce à ça, en fait, ça va faire de l'ostéophonie. Donc voilà. J'avais peur que tu me demandes le mot. En fait. Ça traverse l'os du crâne, laissant les oreilles libres. Mais ça permet d'entendre les bruits et les conversations environnantes. Qu'on m'en mette deux, des casques comme ça. Bah, ça peut être ennuyant, hein. Ça peut être dérangeant. Mais attends, mais comment est-ce que t'expliques qu'en 2023, nous, on a des casques de cosmonautes sur la tête pour faire de la radio, alors qu'il existe des petits trucs comme ça, magnifiques. Mais vu que c'est avec tes os, ça se passe dans ta tête, donc tes oreilles sont dégagées, donc t'entends ce qui se passe. Mais du coup, comment tu fais pour entendre à l'intérieur et en même temps à l'extérieur? Et parce que t'as rien qui est dans tes oreilles, c'est posé contre tes os, donc ça résonne en toi, c'est comme ça que t'entends la musique, mais tes oreilles, elles sont dégagées, donc t'entends tout. Ah non, mais du coup, c'est perturbant. C'est pas tes oreilles qui fonctionnent. Mais non, justement, c'est pas perturbant parce que quand t'es dans la rue, au moins t'es en ville, t'entends les dangers. Quand t'es au boulot, tu peux entendre les collègues, tu peux évidemment éviter de les couper quand ils sont en pleine conversation. Et surtout, t'as pas de risque pour tes tympans puisque sur l'os, c'est quand même moins dangereux que de foutre directement. Imagine là, t'écoutes en boucle Shakira, mais qu'en même temps de ça, à côté de toi, t'as des gens qui parlent. Tu vas entendre Shakira et les gens qui parlent. Donc tu sais pas entendre ce que tu veux. Mais en vrai, je serais curieuse de tester si c'est vraiment dans ta tête. Enfin, ça doit être trop bizarre, je pense. Ouais, moi aussi, je voudrais essayer ça. On se fournit ça où? En tout cas, il y a plein d'atouts. Hein. Par exemple, le fait de ne pas avoir des choses dans son oreille pour être attentif à tout ce qui vous entoure. Mais en revanche, défaut. Le son, il est pas terrible. Vous avez forcément un son qui est un peu compliqué car là t'as pas de basse, donc c'est que des aigus et c'est pas fait pour écouter du rap à fond. Hein, je vous dis, ça c'est sûr. Et ça substitue pas évidemment les casques et les écouteurs. Donc pour faire de la radio, j'oublie. Tant pis. Dans la trappe. Non, pour écouter la trappe par exemple. Ouais. Bah, je sais pas. Oui, vu qu'on entend. Est-ce qu'on a beaucoup de basse? Oui, pour le jingle qui vient de passer, ça va être compliqué. Est-ce qu'on a beaucoup de basse? Je pense. Oui. On a le jingle qui est quand même le plus calme de la terre dans cette radio. Non mais c'est vrai que c'est compliqué et puis ce serait nul quand même de nous écouter tout le temps comme ça. Imaginez si le son était comme ça, c'est pas terrible. Mais c'est comme si on était dans la tête des gens. Ça vient de te faire mal, tu viens de te cogner le casque. Oui, c'est une fois le micro. La semaine passée c'était les dents dans le micro. Ouais. Bon, et si on arrêtait d'être sérieux et qu'on fasse une émission 100% déconne à partir de maintenant? C'est pas ce qu'on fait d'habitude. Si, mais là ça va être 100 fois pire. Il y a des jeux qui arrivent, on va avoir notre certifié. Radio Falminiol arrive et on va faire les infos qui passent à la trappe. Bref, avec Jean-Michel, on va bien se marrer et on va jouer parce qu'on a deux nouveaux jeux qui arrivent dans cette émission. Oh. Yes. Si on a le temps. Oh. Ça se passe dans un instant. Faire. Bougez pas. Jadoul dès 20h sur KIF. Bon, ça y est, les fauves sont lâchés. Là, je peux vous dire qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est parti. Hein. C'est parti. Hein. On va avoir d'ici quelques minutes Jean-Michel qui va nous rejoindre, son bar, tout ça, les infos qui passent à la trappe. Bref, ça se passe juste après le FaceTime. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? Je préfère que tu restes au naturel. Oui, tu vois, ça y est, ça commence. Je préfère que tu restes au naturel. Je trouve vraiment que ça ira. C'est mieux comme ça. Mais ça reste mon avis. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Le principe du FaceTime, tu peux nous l'expliquer, Kix? Bafouiller. Non, allez, à part ça, arrête. Bon, en gros, je vais voir des stars et j'essaie de faire une petite interview avec eux. J'ai bien dit, j'essaye. Tu peux l'encourager un peu, Maëva, avec les confiances. Mais oui, ça va aller. Croire en soi, c'est déjà presque réussi. Ah, c'est beau. Ça, en plus, ça fait des beaux jingles. Cette semaine. Donc, comme j'ai dit, j'ai rendez-vous avec PLK pour réaliser sa première interview. D'ailleurs, là, je suis devant sa porte et je vais sonner. Oula, c'est étrange comme sonnerie, ça, quand même. Bon, en attendant, j'entends personne arriver. Je dois peut-être appuyer un peu plus longtemps. Ah, là, j'entends quelqu'un venir. Qui c'est? Ah, salut PLK, c'est Kix. Je viens pour le FaceTime, tu sais, t'es au courant. Oula, tu n'as pas l'air en forme, ça va? Tu penses que tu pourras quand même le faire? Tu sais, c'est compliqué de gérer le début du succès. Ah, si tu veux, tu peux nous en parler dans l'interview. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Au pire, tu dis et si tu veux, on arrête. Je te promets rien. Pardon? Je te promets rien. Ne t'inquiète pas, franchement, on y va calmement. Tu gères l'interview comme tu le sens et ça ira, ok? Bon allez, c'est parti. Bonjour PLK, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Quel est ton métier? Je suis acteur de... Il faut quand même rester un minimum sérieux. Bon allez, c'est pas grave, on va recommencer. Bonjour PLK, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es un rappeur français, tu as 25 ans et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes à tes fans qui nous écoutent? Écoutez la mixtape. Ouais, ça c'est une belle idée. Magnifique, donc on va tout de suite, je vous propose d'écouter donc ce petit extrait de Dis-moi oui. Ah, j'adore ce son, franchement c'est énorme. Par contre, j'aimerais relever juste un petit truc comme info. Tout à l'heure, donc, quand j'ai été sonné à ta porte, que tu es venu m'ouvrir, il y a eu cette mélodie qui a retenti comme sonnette. Franchement, c'est excellent. Je savais même pas que c'était possible de faire ça, hein, d'ailleurs. Et je savais pas que ça venait de ta musique, d'ailleurs. Bon, ça te dit si on continue d'écouter? Bien sûr que je vais te dire oui. Allez, c'est parti. Bon, alors on va quand même essayer de choper un passage où tu dis quelque chose parce que je pense que ce sera quand même un petit peu mieux. Elle aimerait que je la démonte pendant des heures des plombs. Oui, non, mais c'est bon. Voilà, c'est très bien, on va s'arrêter là. Alors, en tout cas, bravo pour ton travail et pour cette parole durement bossée. On voit que t'as travaillé dur. Bon, on ira quand même pas plus loin pour aujourd'hui, si ça ne te dérange pas. Mais si vous voulez retrouver ce titre, c'est Dis-moi oui. Je pense que les gens ont aimé ton nouveau titre. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Bon, parlons maintenant de ton vrai nom, hein, qui a beaucoup fait rire l'équipe de La Trappe, car il contient le nom de Claude. Claude, voilà. Bonjour. Merci Claude. Claude qui était donc un personnage qu'on a beaucoup aimé dans l'émission La Trappe. Et, je préfère qu'on arrête ton coco. Non mais attends, non, mais qui ose me déranger? C'est toi, petit humain à lunettes, qui positionne des mots tant bien que mal dans le micro? Dis-moi, quel est ton nom? Kix. Enchanté, Kix. Moi, bonsoir. Je suis l'autorité divine des ondes. D'accord. Non, pas le CSA, non. Je suis encore au-dessus. Je suis le dieu de la radio. Si je suis là ce soir, ce n'est pas pour cette cause perdue de Jadoul, mais bien pour toi. Sympa. Tu te doutes bien que cette éruption n'est pas pour te féliciter. Ah non, je me doute bien, ouais. Je viens te supplier d'arrêter cette séquence. Merci. Notre système des plaintes est débordé. Ça fait 17 chroniques que tu n'as pas pu aligner les 10 petites phrases que tu as à dire. Ceci dit, belle persévérance, bravo. Mais je me dis qu'après tout, je ne peux pas te juger. Alors, ce soir, pour décider de l'avenir de ta séquence, je confie tous mes pouvoirs à Maeva. Je l'observe de là-haut. C'est celle qui rigole en se cognant les dents dans le micro et qui sent la clope autant qu'un cendrier public. Mais c'est quoi cette blague? Douce Maeva, choisis le sort de Kix. Il revient la semaine prochaine avec une nouvelle approche. Ou qu'il se taise à tout jamais pour le bien de tous les professionnels du métier et pour l'intégralité des orthophonistes de Belgique. À tout jamais, à tout jamais. Mais non, il peut y arriver, moi je crois en lui. Il y a débat. Franchement, il y a débat. Tu te rends compte qui t'a dérangé là-haut? Non mais franchement, c'est merveilleux qu'il vienne m'aider, c'est merveilleux. Tu ne pouvais pas mieux demander. Non mais le dieu de la radio qui est là dans l'émission ce soir. Excusez-nous, on fait vite. Maeva, t'as le pouvoir donc dans tes mains d'arrêter cette séquence ou lui donner encore une chance la semaine prochaine de faire peut-être une nouvelle formule, un nouveau système, peut-être un truc sympa. Fais le bon choix. C'est à Kix de dire s'il en a marre, mais le concept est cool. Je pense pas qu'il a le pouvoir du dieu de la radio. Oui. Toi, tu l'as eu. Je sais pas. Allez. J'aime pas du tout avoir du pouvoir. Dieu de la radio. Je pense que le grand monsieur là-haut attend une réponse. Tu décides qu'il arrête ou qu'il revienne la semaine prochaine avec une nouvelle formule? Oui, il va revenir. Il va avec une nouvelle formule, mais il continue. Le choix est donc fait. Verdict la semaine prochaine. À bientôt. Mais attention, je surveille. Ouais, ça marche. Ça marche. Ça a l'œil, oh là là. C'est reparti. Bon, bah merci pour... À retrouver en podcast, évidemment, disponible partout sur toutes les plateformes pour écouter le freestyle. De 20h à 22h, c'est La Trappe sur KIF. Jean-Michel sera là dans quelques minutes. Ah oui. Normalement, il ne devrait pas faire venir le dieu de la radio. Bah, il est déjà là. Hein. Ah oui. Bah, c'est juste qu'il vient de repartir, là, pour le coup. Il est dans le canapé. Ah, toilette. De bière. Ah, bah. Quelle horreur. Je cherche mes sons Kix, ils sont où mes sons dans la machine? Je sais pas du tout, côté. C'est une bonne question, tiens. C'est cool, à 10 secondes de reprendre, ils ont mes sons. Bah oui, bah, écoutez, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Panique. Tiens, c'est quoi la source? Est-ce que le dieu est là? Je cherche. Alors, c'est deux petits pédés comme ça. Non, c'est pas ça. Bon, bah écoute, on fera cette séquence tout à l'heure, tu veux bien? Bon, moi, parce que ouais non et là je sais pas où les maisons foutues, ouais, normalement ils sont arrivés. Ah écoutez. C'est le certifié. Oui ben là mon écran est vide hein, dans la séquence du certifié, donc je te propose qu'on passe à la suite. Ça marche, je vais envoyer un message à la poste. C'est pas plus mal. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On va rejoindre nos joyeux lurons. Les deux, on peut pas s'empêcher de les avoir dans l'émission. Ah, on les aime, on commence vraiment à s'attacher à eux. Ils sont à leur 9e édition de Radio Falminioul. Vous savez, l'électricité est chère. Et on a besoin d'être généreux et leur prêter un petit peu de temps d'antenne parce qu'ils ne savent plus se payer un émetteur eux tout seuls. Donc, ces 5 minutes, elles sont offertes pour René et Guy. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où la guinguette était remplie. Oh, Bonjour madame, bienvenue dans notre guinguette. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue dans la guinguette de Radio Famille. Bonjour monsieur, dame, bienvenue à la guinguette de la station. Eh, René. Oui, Guy. Tu regarderas sur le bar, je t'ai déposé une lettre de l'AFSCA. Je préfère que ce soit toi qui regardes, hein. Moi je m'occupe d'accueillir les auditeurs. L'AFSCA? Oh non, j'aime pas ça. Oh. Bonjour, bienvenue dans la courgette de Falmignol. La guinguette, Guy, la guinguette. Ah oui, zut. Bienvenue dans la guinguette de Falmignol. Radio Falmignol. Guy. Reviens. L'AFSCA ne nous autorise plus à vendre des boissons, il nous retire notre licence 4. Mais Guy, on va faire faillite. Ah, comment on va faire alors sans les boissons pour amener de l'argent dans la station? Bah, je ne sais pas. Oh non. Allez, on va les appeler, on va appeler l'AFSCA. Ouais, vas-y. Bonjour, vous êtes bien madame. En communication avec l'AFSCA. Bah oui, je sais, c'est moi qui ai composé le numéro. Si vous êtes un professionnel et vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, appuyez sur 1. Mm-hmm. Si vous avez une question générale sur le fonctionnement de l'AFSCA, mm-hmm. appuyez sur 2. Mm. Si vous désirez uniquement pousser un coup de gueule, appuyez sur 3. Ça dit quoi? Oh, rien. 3. Si vous ne comprenez rien, appuyez sur 4. Mais bon sang, j'ai dit 3, t'es bouché ou quoi? Il a dit 3. Oui, j'ai dit 3. Vous êtes bien en communication avec l'AFSCA. J'ai dit 3. Vous avez appuyé sur 3 et la proposition était, si vous désirez uniquement pousser un coup de gueule. Bon, ma petite, c'est pas que j'ai que ça à faire, donc grouillez-vous, hein, et passez-moi quelqu'un. Merci, madame. Et désolé de vous parler sur ce ton, hein, mais vous parlez, là, et tout, mais moi, j'ai un commerce à faire tourner tant que je peux. Exprimez-vous après le signal sonore pour laisser votre plainte. Un conseiller vous rappellera au plus vite. Allô? Oui? Non, pas toi, Guy, imbécile. Ah, pardon, René, pardon. Mais alors, en plus de nous enlever notre droit de vente, vous nous dites même pas bonjour. Eh ben, ça, c'est du beau. Ah, pourquoi vous nous faites ça, Guy, moi, la guinguette? On vous a fait quoi? C'est pas facile, tous les jours, de faire tourner cette station, de ramener les bénévoles, de les nourrir, de les mettre au chaud dans une guinguette avec un accordéon et faire des soirées bingo, les soirées boudin compote. Vous pensez que ça se fait tous les jours, comme ça, des soucroutes pour 45 personnes? Vas-y, René, dis-leur! Alors, ma grande, tu vas en découdre? C'est pas toi qui vas déneiger l'émetteur quand il est sur le toit, hein, dans la période hivernale. Eh non, c'est moi! Et tu te rends pas compte non plus qu'on passe notre temps à choisir les disques avec amour. Et on fait tout ce qu'on peut pour rendre les gens heureux. Votre ton est écoulé. Votre message a été enregistré en toute sécurité dans nos archives. Ouais. Pour plus d'informations, consultez l'aide sur notre site internet. Non mais... Merci et à bientôt. Ils se foutent de ma peur. Hey, Tony, quoi? Bah rien, ça s'est coupé. Bon bah je pense qu'ils nous ont dit que le bon temps où on était dans nos frais est terminé. Voilà. Fini la radio, fini moi, Guy, on va mourir. Attends, je vais prendre la parole. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, mesdames. Oui, regardez ici, merci. Chers auditeurs et fidèles de cette radio et de notre guinguette. Comment on fait un nœud déjà? Nous avons un message de la plus haute importance à vous transmettre. J'aurais un tabouret. Alors, pas d'affolement. René et moi-même allons décéder d'ici quelques heures, voire quelques minutes. Et lui commence déjà. Alors faites comme si rien n'était et profitez de la soirée. Bien à vous. René, achève-moi. Ah bah, il suffit de mettre la corde et on saute, d'accord? Oui, vas-y. Allez, hein, t'as pas le vertige? Non, monte sur le tabouret. Je peux monter sur tes épaules avant de mourir? Ah bah non, sinon on pourra pas sauter ensemble. Oh. Ouais. Un, deux, un, trois. La prochaine fois, essaye de tomber ailleurs que sur mes rotules. Hein. Oh, mais ça a bien amorti, mon Guy. Ah ouais, ça, je veux bien comprendre. Hein. Oh, bah, on a juste plié la traverse et puis nous, on n'a rien. On a touché le sol et même pas une égratignure. Reste un signe, ça, à mon avis. Alors, je crois pas en le destin, mais il faut bien se l'avouer. C'est que la vie veut qu'on voit les choses différemment. Finalement, faudrait peut-être qu'on trouve juste un moyen de rentrer de l'argent différemment qu'avec les boissons. On a qu'à dire du Viagra. Ah, ça se vendra bien, ça. Ah, t'es con, Guy. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Ah, ils sont les rois du suspense, là. Attention, on a eu une petite frayeur. Ils sont formidables. On a eu peur. Je veux dire, ils vont quand même pas faire ça à l'antenne. Bah, ils sont capables de tout. Tu sais, je te rappelle que dans cette émission, il y a même pas un mois, on a mis un micro dans une friteuse. Ouais. Alors, c'est vrai. Claude. Claude a fait ça. Ouais. Claude. On est capable de tout faire ici. Justement, on va avoir notre certifié dans quelques minutes avec Stomp Pekiet Derawet. Ah oui. Ah oui, là tu fais vraiment bien. Je serais pas capable de prononcer tout ce qui va arriver là. Jadoul dès 20h sur KIF. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul dès 20h sur KIF. Oh oui, je suis là. Le vrai, hein, l'officiel. Le vrai Jadoul. Ouais, parce que j'ai eu une galère cette semaine. Il y a des gens qui ont créé des faux comptes Insta à mon sujet. Voilà. Non mais c'est impressionnant parce que en fait, d'un coup, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages sur Instagram. C'est là qu'on voit quand même qu'on est un peu exposé. C'est que des gens me disaient, alors tiens, tu vas doubler mon salaire? Pardon, déjà les membres de mon équipe, on est ric-rac. C'était toi, Kix, en fait, le message. Eh ben écoute. C'est toi derrière le compte? Bah du coup. Non, qui demandait pour doubler le salaire? Si, t'as fait quelque chose du coup, t'as banni le compte. C'est pas ça. C'est que j'ai plein de gens qui me disaient, mais alors c'est un fake, est-ce que c'est toi qui as créé un autre compte et tout? J'ai juste dit non, les gars, c'est un faux compte, je l'ai mis en story et tout, je l'ai affiché et j'ai demandé que tout le monde le signale. Ok. Pour qu'ils le fassent fermer parce que ça la fout mal. Mais c'est fou, c'est impressionnant. Ils prennent ta bio, tes photos, ils republient tout exactement pareil. Ils s'achètent des faux abonnés pour avoir un nombre conséquent et que ça paraisse crédible. Non, mais ça fait flipper. Et donc maintenant, il a été banni. Et là, il est fermé le compte. Bah oui, je sais bien parce que c'est là où je vendais mes pieds. Alors. Des photos de pieds via ton compte. Ah, ça rapporte bien, hein. Ça va pas? Bah écoute, on fait comme on peut, hein. Mais là, ça fonctionnait bien, maintenant tu m'as banni, voilà. Maintenant j'ai plus de sous, c'est le seul sous que j'avais. Oh, le gros dégueulasse. Quoi. Via mon travail, bah voilà. Tu sais, c'est Instagram, hein. Il y a un truc qui s'appelle OnlyFans qui est prévu pour. Non, mais c'est payant, je pense. Ah, c'est le principe. S'il vend ses pieds, il les vend sur. Non, mais je pense que même pour avoir un compte, il faut payer, non? Moi, j'ai pas dû payer quand j'ai créé mon OnlyFans. Ah, nickel. Informez-moi. Non, mais sérieusement, c'était un peu chelou parce que d'un coup, t'as plein de gens qui te disent « Oh, merci de t'être abonné à moi. » Mais moi, j'y ai cru, je t'ai envoyé un message. Ah. Parce que j'avais vu la notification sur le compte de DJ FLP. Ah oui. Et j'avais vu, je lui ai dit, mais j'ai vu que tu t'étais abonné et c'était pas toi, mais en fait, c'était vraiment ton vrai nom avec, il y avait juste un petit tiret du ouais. qui Ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle a bloqué ton vrai compte. Mon compte va fermer parce que tout le monde a signalé le vrai, en fait. Ce serait horrible. Ah ouais, non, attends, et l'angoisse d'un coup. Mais c'est là qu'on voit que un petit chiffre, un petit caractère, et c'est pareil pour tout, les faux sites de banque, les faux sites de machin, c'est à la virgule près, il faut faire gaffe parce que sinon tu te fais avoir. Bref, c'est ma frayeur de début de semaine là. Ouh, je suis content de m'en être sorti parce que. Là, on s'en célèbre là. Là, ça fait un. Ouais, c'est vrai. Non, ah, même un petit pas. Coup de choc. Hein. Mais non, en fait, je pense que je me sens un peu. Le fait que quelqu'un télécharge mes photos et les reposte sur un compte qu'il a créé lui-même, je me sens un peu violé comme ça. Et heureusement que tu l'as pas sur Snap. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Mais t'es le pire en fait. Je pense que. Non, bah c'est bon, on a compris. C'est quoi? Tu peux partir, tu vas laisser ta place à Jean-Michel. Ah, merci. Dans quelques minutes. Vas-y, Jean-Michel, peux venir. Il va nous rejoindre, ça va être sa grande séquence. Ça va être génial. Enfin. Ça va être spécial puisqu'on lui a prévu un petit jeu. Oh, bon sang, c'est cool, hein. Oui, Jean-Michel, vous allez vous amuser avec nous. J'espère que vous avez du palais. En pensant, j'en ai. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h, sur KIF. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h, sur KIF. On va faire une nouvelle séquence qui s'appelle les infos qui... Mais avant ça, nouvelle séquence également, c'est avec Stomp Pekiet Derawet. Stomp Pekiet Derawet. Ah, c'est du wallon. Ah, c'est une émission que j'ai découvert, enfin que mon équipe, enfin je vais pas mentir, hein, je ne l'ai jamais vue. Qu'on a découvert. Je vais découvrir et on va dire un gros on au sens large parce que j'ai pas découvert les sons, donc je vais vous dire, je lance des trucs, je sais vraiment pas ce qu'il peut y avoir. Une fanfare de plus. Voilà, ça c'est le spécial bonus Jadoul Prod que j'ai mis. Ah, merci. Merci. L'équipe bien, me connaît bien. Sympa, tu vois, ça fait plaisir. Tu sais qu'elle aime les fanfares. Ah oui, moi les fanfares, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Cette fois-ci, on est tombé sur une recette de pain de viande version Renaud Rutten et sa fille hein, qui sont dans l'émission. Pour rappel, Renaud Rutten, c'est un humoriste et comédien belge pour ceux qui connaissent pas. C'est le générique, ça. Oh, sans déconner. Et donc, tout commence avec le choix du haché. Ça, très facile. Alors, un bon hachis pour vous. Très important, mon chéri. Pour vous, pourquoi? Parce que ça, c'est moins sec. Putain, liez la tour pour vous. Attends, c'est... C'est des hors-antennes. Ils sont comme ça à l'antenne. Oui, c'est comme ouais, ça. C'est génial, c'est génial. Bon, je pense qu'on va plutôt les laisser... préparer l'aspect cuisine, hein. En résumé, c'est quoi la bonne recette pour réussir cette préparation? Et vous avez compris, hein, la recette, hein, c'est de raconter des biaiseries, hein, comme ça, la bouffe aussi est de bonne humeur. Biaiserie, bah, bien sûr. Bien, alors. Ah, c'est un peu du patois, en fait, c'est ça. Ouais, c'est voilà. Ça, c'est un dialecte. Ouais, des biaiseries. Hein. Bon, on y vient, justement. Comment dit-on faiseur de bon manger en. Oh, ça, non, ça, c'est pas français. Mais. C'est pas français. Tu verras la suite. Ouais. Faiseur de bon manger, c'est. On pourrait dire. On va aller là où ce qu'on a bon. C'est bien ça. C'est bien ça. On va, bon, ouais. Voilà, on va aller où ce qu'on a bon. On va bien manier, on va bien beurre. Wow. On va muter SO. Mais on va. On va peut-être avoir trop bu. Voilà, dis-leur que c'est pas du français, vas-y. Ouais, bah, je m'en fous, on va l'appeler. Non, ok, d'accord, en parlant de boire. Et il faut qu'il fasse un peu deviner à sa fille un mot en wallon en lien avec ça. Enfin, on va voir si elle va comprendre. Quand t'as trop mangé, t'es assis, tu vois, et tu fais ok, c'est trop rude, putain, le pour hop, des notes jusqu'à là, allez. Et avoir trop mangé, ça ressemble à quoi? Eh ben, maman, donne en France d'une. Ça déjà c'est laid, t'as déjà envie de dire. Non, si, ça c'est Bruxelles, c'est vilain ça. C'est spécial, hein. Ouais, c'est spécial. Bon, on va éviter de se faire casser la gueule pour la majorité des auditeurs. Il y a un peu tout qui a été inversé en fait dans le cartoucheur, je pense. C'est vrai? Ah oui, clairement, oui. Ah, moi je suis le texte. Bah, pour le coup, non. Ah, attends, on met une fanfare, on revient. Non, mais sérieux, c'est vrai? Ah oui, oui, vraiment. Oh non, c'est pas drôle ça. Bon, attends, on va voir si elle comprend. C'était ça, hein? Voilà. Tu veux voir quoi? Voyez qu'elle comprend le wallon. Tout de suite, crédisseux, depuis qu'elle est toute petite, elle sait bien. Tu veux boire quoi, papa? Oh, je tiens, elle va boire une bière, Nelly. Une petite bière? Ouais, une petite bière. Une petite bière. Et c'est parti. Bière, que Nelly. Et après avoir trop mangé, ça ressemble à quoi? Quand t'as trop mangé, t'es assis, tu vois, et tu fais. C'est trop putain, le pour hop. Des notes jusqu'à là, allez. Allez, ça, c'est une phrase qui provient d'un autre dialecte belge. À votre avis, ça provient d'où, selon vous? Eh, maman, donne en France d'une. Ça, déjà, c'est laid. T'as déjà envie de dire. Non. Si, ça, c'est Bruxelles. C'est vilain, ça. C'est vilain, mais quoi? Mais enfin, on va éviter de se faire casser la gueule par la majorité des auditeurs qui nous écoutent. Hein, et je vous rappelle qu'ils sont quand même bruxellois. Allez, on va prendre des nouvelles, quand même, de la recette, au final, ce fameux pain de viande. Avez-vous des idées sur la présentation finale? Fais-nous un peu une déco, comme quand t'étais petite, que tu m'emmenais des laits, des seins de l'école. Voilà. Des laits, des seins. Là, on continue. Voilà, c'est comme ça qu'elle faisait à l'école, vous voyez, des dessins de merde. Et ça ressemble à quoi? Un petit cul de poule. Ah bah voilà, parfait. En tout cas, notre ami Rutten, il sait trouver les mots justes pour ouvrir l'appétit. Waouh. Ah ouais, quand même. C'était ironique, je suppose. Ouais, ah ouais, un peu, ouais. Fais-nous un peu une déco, comme quand t'étais petite, que tu m'emmenais des laits, des seins de l'école. Voilà. Là, on continue avec les... Voilà, c'est comme ça qu'elle faisait à l'école, vous voyez, des dessins de merde. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ah, c'est trop bon. Urban music non-stop, c'est bien. Ouais. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Ah. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Et je suis pas seul. Une soupe au poireau. Bien sûr, sinon on peut pas démarrer cette émission. On va faire une nouvelle séquence qui s'appelle les infos qui passent à la trappe. Tout ce qu'il fallait louper ces 7 derniers jours dans l'actualité, c'est ici. Je vous ai trouvé par exemple cette news. Après les fêtes, tout le monde veut refaire du sport. Hein. Vous savez, la perte de poids, tout ça, ouais. Tout ça. Bon, à cette occasion, un nutritionniste s'est penché sur nos habitudes de consommation à la friterie. Okay. Selon lui, c'est le mexicano qui est le plus dangereux pour la santé. C'est pas ce que tu manges toi d'habitude en plus? Si. Ça va bien. Hein. Ah. Ça, je peux vous dire qu'on va pas arrêter d'en bouffer. Donc, son conseil. Voilà. Sinon, on a vu aussi dans un journal qu'il y avait Une madame qui s'appelait Hélène, elle est belge, elle a 42 ans, elle était intéressée par une villa dans son quartier. Elle était très surprise hein, parce qu'en faisant la visite virtuelle, elle est tombée sur une femme à moitié nue sur son écran d'ordinateur hein, lorsqu'elle a fait la visite. C'était une jolie 4 façades hein, mis en vente par l'agence immobilière. Donc elle scrolle, elle se projette hein, déjà dans sa future maison. Et là d'un coup elle arrive dans la salle de bain et elle voit une femme à moitié nue avec à peine un petit drap pour cacher le strict minimum. Et la référence ? Non, mais attends, il a pris son bic pour noter quand même. Non, l'incident est cocasse parce qu'il s'est avéré que c'était un coup monté de l'agence immobilière qui a engagé un mannequin pour ce coup de pub. Un coup monté, autrement appelé une girafe. Bon bah perso, comme c'était un coup de pub, hein, j'ai pas acheté la maison. Parce que si la femme à moitié nue est pas inclue dans la salle de bain, bah, ça fait la vente. Évidemment. Dernière news que j'ai trouvé aussi, c'était une offre d'emploi dans une pizzeria à Ornu. Voilà, salaire 15 000 euros. Oh la vache. Par mois, hein, par mois. Donc 10 mois de vacances en plus, avec une petite Lamborghini comme voiture de fonction. Faut bien quand même être un faire. Bon pizzaïolo. Alors l'offre était plutôt alléchante, sauf que le patron a un jour avoué que c'était de l'humour pour tenter de trouver quelqu'un qui acceptera ce poste. Ah, bon bah je pense que son offre d'emploi. Et donc je peux dire qu'il a fait un four. Qui fait. Ah oui. Bon bah ça passe aussi. Aussi oui. Ma vanne, ouais, aussi ça marche aussi parce que là c'était pas terrible. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Jean-Michel, préparez-vous, c'est à vous. Oh, je suis là. Oh là là. Il est en très grande forme. Pourquoi on a ramené plein de bouteilles là? C'est qui? Des Jeff Flash. Ouais, c'est ce qu'on écoute maintenant. C'est le photographe. Bienvenue. Bon bah quand il faut y passer. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Waouh! Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Il est de retour, c'est l'heure de prendre nos marques parce que, et de prendre appui parce que je pense que Maëva, là, on va encore déguster. Hein. Ouais. Il titube déjà, non mais c'est quoi cette dégaine? Oh bah, oh, ça va hein? Oui, bonsoir Jean-Michel. Bonjour, je vous juge pas hein. Allez, va. Bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir. Alors, attention, on va faire un petit jeu de dégustation ce soir, Jean-Michel. Oh! Vous êtes prêt à jouer? Oh bah, bien sûr hein. Enfin, je ne sais pas. Tu sais, le jeu et moi, c'est pas une folle histoire d'amour. Hein. C'est vrai. Oh bah, enfin, là, ici, le jeu consiste à déguster des bières et du vin. Je suis prêt. On commence. ça vous voyez, Jean-Michel. Bon, premier jeu. Vous allez avoir devant vous trois bières. Je vais vous les servir les unes après les autres. Une Chouffe, une Chimay bleue et un Orval. Allez, go. Oui, oui, on se calme. Attendez. Vous allez devoir trouver... quelle bière est dans le verre que vous allez avoir, en sachant que vous allez avoir les yeux bandés, et en plus de ça, vous n'allez pas assister au moment où on la déverse dans le verre. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Vous ne regardez pas? Non. Maëva va vous bander les yeux, Jean-Michel. Je suis obligé. Oui, il faut le toucher, hein, maman. Je suis désolé. Ouais. Je suis navré. Merci, je vais du scorpion. Tournez-vous un peu. Jean-Michel, laissez-vous faire, s'il vous plaît. Voilà. Normalement, il ne voit plus rien. Parfait. Allez, j'ouvre la bière. Et je vous la sers. Vous aimez ce bruit, hein, ça? Oh bon, j'ai envie de faire pipi. Non, s'il vous plaît, non. Allez, c'est servi. Vous pouvez la prendre en main. Vous l'avez là, vous la tenez? Oui, j'en ai. Allez, vous allez goûter là et donnez-moi le nom. Ah bon, ça c'est simple. Hein. Ça c'est la Chimay bleue. Non, je la reconnais bien, son amertume et ses saveurs de caramel et fruits noirs. Allez, verdict. C'est pas ça, Jean-Michel, Oh, mauvaise réponse, c'était de l'Orval. Bon bah, erreur de débutant, ça arrive. Non, je suis prêt pour la suivante, vas-y, c'est pas grave. Enfin, débutant. Pour un grand buveur comme vous, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, c'est pas grave, on va passer à la suivante. Allez, hop, Maëva, je te laisse servir la bière. Hein. Oui. Bon, t'y es? Oui, attends. Oh. ça sent pas bon, ça. Ouais. Allez. Ah oui, tu remplis bien le verre. Il a soif. Vas-y, hein. Remplis, hein. Ouais. Allez, prenez-le. Oui, peut-être pas tout d'un coup, Jean-Michel. Oh non. Oh, ça me dégoûte. Ah, fonner une bière, non mais quelle... Oh, ça j'aime bien, hein. Oh, ça c'était bon. Alors, c'est laquelle des bières que je vous ai servi? Attends, remets-moi un petit peu sa petite soeur. Jean-Michel, arrêtez. Votre haleine vient de tuer une mouche dans ce studio, c'est bizarre. Je me rappelais pas qu'il y avait une mouche qui était rentrée ici. Je l'ai pas vu rentrer, Jean-Michel. Oh, c'est sûrement une mouche que j'avais avalée hier au Bayon. Oh, mais quelle horreur, vous. Arrêtez, mais Jean-Michel. Non, mais c'est pas possible. Non, mais on est en direct. Là, vous savez ça? Bon. On va revenir à notre jeu. Ça vous tente quand même un petit peu? Oui, la dégustation. Allez, normalement, là, je peux pas vous resservir, mais bon. Vous êtes censé recracher ce que vous buvez, vous voyez, c'est de la dégustation. Ouais, oui, mais allez, juste une petite goutte alors, hein, un petit fond. Oui, allez, s'il te plaît. Bon, c'est bien parce que c'est vous, hein. Allez, juste un petit fond, vous ne regardez pas, hein, vous ne savez pas ce que c'est. Prenez le Bordeaux. Et c'est parti. Voilà, prenez. Oh oui, ça me revient. Oh, ça, c'est de l'Orval. Pas du tout, c'était la chouffe, Jean-Michel. Oh, je sais pas ce que vous nous faites, mais là, vous êtes vraiment pas à la hauteur de votre réputation, hein. On va pas en rester là. Et parce que là, c'est un échec, ça nous fait de la peine, Maëva. Je lance un petit peu à partir, là. Ah bah, ça va. Ah oui, vous buvez tout au lieu de recracher. Bon, bref, c'est un échec. On va passer au vin, ça vous tente? C'est peut-être mieux? Ouais, bah oui, vas-y. Mais attends, il faut quand même que je déguste la troisième, hein, tu sais, l'archimée bleue. Oh non. Oh, ça y est, allez, hop. Allez, une dernière. Hein. Vas-y. Bon, là, c'est bon. Lâchez ça. Arrêtez. Jean-Michel. Vanzoul, j'en dis. Je suis prêt. Vas-y, continue, go. Non, mais là, je pense qu'on peut passer au vin maintenant. Arrêtez, on va pas pouvoir continuer le jeu. Vous êtes déjà dans un état avancé. C'est plus possible. Ah non, Manel. Non, Manoul, pardon. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas. C'est Jadoul, merci. On a fait un générique qui nous a coûté une couille en début d'émission, donc on pouvait retenir le nom. Enfin bon, c'était que la première. Mais bon bref, tant pis. On va passer au vin, hein, ça vous va directement, vous êtes d'accord? Vas-y, fais péter. Mais Eva, tu prends la bouteille de vin? Oui, let's go. Vas-y. Ça vous aimez, hein? Encore. Surtout que vous avez que Louis comme sens, donc éleveur. C'est déjà pas mal, hein, mais faut continuer. Allez-y, dégustez. Bon, bah, ça va, c'est du vin, allez, c'est bon? Ah, ça, je suis sûr que c'est... C'est, ouais, vous pouvez le faire, Jean-Mi, allez-y. Ça, c'est du rouge, du rouge. Oui, du rouge. Ah, c'est du rouge-gorge. Non, mais non. Parce que quand t'en bois, ça te fait siffler. Allez, un autre. Vous avez gâché toute notre séquence. Franchement, c'est pas cool, Jean-Michel. C'est pas ce qu'on avait prévu. Attendez, bon, si je vais vous faire le jeu, s'il vous plaît. À commencer par les bières, bien sûr, hein. Non, arrêtez, descendez de cette table, s'il vous plaît. Tiens, bonjour, tiens, Jean-Michel, allez, qu'est-ce que vous faites encore? Allez, devine ce que c'est. Devine c'est quelle bière. Jean-Michel. Ah! Oh, c'est pas possible. Vous êtes en train de pisser sur la table du studio. Jean-Michel, arrêtez. Arrêtez, Maëva, viens, on essaie de le faire descendre. Je ferme les yeux. Ah non, mais Jean-Michel, enfin. La sécurité, il y a du matos, il y a de l'électricité. Ça va mieux. Ça, je veux bien croire. On t'a deviné ce que c'était, mon Jean-Doul. Non, je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, c'était pas la sécurité, hein. Non. Le nom de cette bière, c'était un mélange de tout ce que tu m'as fait déguster. Ça s'appelle une Schouffreval May, bleu au vin. Ah, je pense que Jean-Michel est tombé. Bon, on va le traîner jusqu'à la sortie du studio. Enfin, bonne chance, hein. Oh là là, non, mais en plus, oui, c'est bon, taisez-vous. Mets-lui une paire de chaussettes. Mets-lui à la trappe. Ouais. Attends, viens, on va le tirer un peu. C'est pas bien. Oui, c'est bien. Allez, viens, on le décale un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Bougez pas, Jean-Michel. Allez, hop. Voilà. On sera tranquille. Merci beaucoup, Jean-Michel. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Nous sommes désolés pour ce désagrément, nous vous rappelons qu'il faut boire avec modération et Jean-Michel va bien. Normalement. On va jouer dans un instant, restez avec nous, c'est la trappe. C'est moi ou c'est la même mélodie Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est la tête? Avec ramener la coupe à la maison. Oui, voilà, j'ai toujours envie de dire ramener. En fait, il dit pas ramener la coupe à la maison, il dit... Ramener la coupe à l'Argentine. Merci, les bleus. L'actu connecté. Ah non, ah non. Et les dernières tendances... On passe sur ça. ...sont dans la trappe. Nouveau jeu. Oh, je suis comme un enfant. Oh là, je suis content. On va faire quoi? Qui c'est toi qui anime ce truc en plus? Eh oui. Oh, je suis impatient. Ah, quelle chance. La seule manière que Kix a trouvé de ne plus perdre, c'est voilà, de ne plus jouer. C'est de ne plus jouer, c'est de faire le jeu. Enfin. Ah, mais t'as compris pourquoi je suis animateur. Hein. Appelez-moi Cyril Ferraud. Alors, okay. Vas-y. Donc, c'est très simple. En fait, j'ai plusieurs objets, plusieurs choses. Et je dois vous faire deviner, par exemple, un numéro. Donc, une pointure exacte. En gros, c'est un peu comme le juste prix, si on veut. Ah, c'est le combien ça mesure? C'est ça. Waouh, trop bien. D'accord, ok. Et on a du temps? On a. Non, pas spécialement. C'est faut celui juste qui s'approche le plus. Voilà, on okay, en d'accord. a 6 à faire. Donc, d'accord, donc on j'espère en que vous allez trouver assez vite. Mais 3. Ok, ça marche. Il est 22h06. Donc. Facile ou difficile en début? Allez, les faciles au début, les difficiles à la fin. Ok, je vais commencer par un difficile. Voiture de Michael Jordan, le basketteur. Oh, c'est 46. Beaucoup plus. J'ai un ami, je pense, qui fait du 49. Mais et non. Il est grand comme. Il est très grand. Il est joueur de basket, il fait 2m10. Du coup, on est sur du combien alors? 49, moi, 46 j'irais, moi, j'irais même 50, allez. 50. Et quand c'est entre les deux, on fait comment si c'est un 48? Celui qui est le plus proche. Bah. On vient de lui griller son jeu en 2 minutes. Oui, parce qu'en soi, il y a. Et oui. Mais oui, 52. C'est celui qui est le plus bas, du coup, je suppose. C'est pas grave, le point n'est pas attribué. On passe au suivant. Allez, hop, c'est mauvais point. Le suivant. La longueur de l'iPhone 14 normal, pas le plus. Combien il mesure en taille? Voilà. Ah ah. Je l'ai. Ouais, mais t'as pas la dimension. Hey, on peut pas regarder, hein. Attention. Oui. Et il cherche, gars, dans les paramètres. Paramètres, non, dimension. Non, je suis en train de mesurer avec mon doigt. Je dirais 18 cm. Pourquoi avec ton doigt? Ça c'est 18 cm. Je sais pas, je suis vraiment nul à cheveux. J'avais peut-être oublié de vous dire un détail. Je suis très nul. Bon les garçons, mettez-le à l'échelle. 18 cm. Les garçons, vous allez me comprendre, là on est mis en valeur, c'est bien. Ah mais en fait le bon plan c'est d'être avec Maëva en couple. Oh, il y a un chéri. Waouh, 1m20. Regarde ma gomme, elle fait 20 cm. Bon bah du coup vous n'avez pas. Moi j'ai dit 13,5 cm. 13,5. Bah du coup 16 pour. Non 16 non. cm, tu le mets comment dans ta poche taille ton iPhone? Mister Jadou est plus proche en tout cas, c'est 14,67. Je commence, c'est bien, parfait. Allez, je suis chaud maintenant, je gagne. Mais donc du coup c'est pas le bon point, donc on fait quoi? Est-ce qu'on se rapproche? On se rapproche pour moi, pas c'est pour moi. Okay, lui, c'est okay, c'est moi qui ai gagné, ouais. Merci. Allez, je te mets un point. Bon du coup, un panneau de j'arrive plus à le dire, de signalisation, pardon, triangulaire. Tu notes l'heure? Oui, 22h08. Un jingle. Donc, un panneau triangulaire de signalisation. Les dimensions, en celui hauteur. Celui qui est sur la route? C'est ça, oui. 55 cm. Le normal, hein, je parle. 55. 55 pour Monsieur Jadoul. 45. Bah c'est beaucoup plus, c'était 100 cm. Quoi? Oui, bah c'est marqué sur internet. Ça paraît petit parce qu'on les voit toujours devant. Voilà, prends un peu les doigts pour. Voilà, ça va être plus compliqué, ça va me prendre plus de temps. Le dernier. Voilà, c'est pas le bon, mais. Alors, la taille d'un stylo Bic. Ah bah stylo. On me souffle dans l'oreillette que c'était pas juste ton résultat. Non, attention, on a un contrevenant. Il faudrait qu'on trouve la mesure de ce panneau de signalisation. Jusqu'ici, c'est une très bonne séquence. Ici, c'est démarqué. Ici, c'est un tableau avec normal. Il y a plusieurs dimensions. Il y a des moyens, des petits, des. Mais il est au courant du sujet, mon père, parce que il en a dans son garage, parce que j'ai des amis qui en volent en soirée, et donc je les ramène chez moi. Et l'adresse, je peux pas laisser. Vous savez qu'on est en direct, hein, ça vous dérange pas qu'on balance des trucs comme ça à l'antenne? C'est pas très grave. Amis de la signalisation, vous m'écoutez à Bruxelles ce soir? C'est pas à Bruxelles, j'habite pas à Bruxelles. Non, elle habite à... Non, j'allais le mettre, mais je vais pas le faire. Dernier, s'il te plaît. Bah du coup, pour le bic, est-ce que le vous bic, avez les dimensions un bic, d'un bic? Bah, ça mesure précisément 20 cm. Si les dimensions sont bonnes, bien sûr. 20 cm, pour un bic en... 17 cm. 17 cm, attention. La réponse. Virgique, la réponse est... Eh ben non, c'est 14,7. Donc c'est Maëva qui gagne. Voilà. Ça fait 1-1. Est-ce qu'on en fait un dernier ou pas? J'aimerais juste savoir si un panneau de signalisation, ça mesure vraiment 100 cm. Parce que, attention, on a notre huissier de justice. On peut d'ailleurs même donner le micro. Alors, on est sur du 60 cm x 90 cm. Donc, c'est plus crédible, alors c'est possible. Mais x 90, ouais. Donc le point était pour moi, Kix. Voilà. Et ben alors, il c'est a encore gagné. Une belle séquence, ça. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Allez, on va faire des choses sympas d'ici quelques minutes. On va vite faire un petit dossier sur Taylor Swift, c'est ça? Non, Miley Cyrus. Voilà, je les confonds toujours. Ça, c'est bien de connaître les artistes. Non mais j'en peux plus de moi. Et on aura bon, examen la semaine prochaine. On aura le Blind Clet aussi qui sera animé en personne par DJ FLP. C'est juste après. Merci Chris Brown. On veut pas te presser mais on a du pain sur la planche. Hein. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? Oui. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Waouh, c'est le premier jingle de Maëva. C'est ici qu'on apprend à bafouiller en fait. Oui, c'est l'école de la bafouille. On vient normal, on part en bafouillant. C'est ça, il y en a qui font des écoles de radio. Moi j'ai décidé de lancer une école de bafouille. Et ouais, écoutez, franchement, ouais. Vous trouvez pas que ça manque dans le paysage audiovisuel d'un peu de bafouille? Bah si, c'est pas drôle. Ouais, ça fait des belles séquences. On est naturel, nous au moins. Oh oui, messieurs, dames. Maëva, il s'est passé quelque chose dans l'actualité déjà avec Shakira. Oui, Shakira, donc, on l'a entendu tout à l'heure, qui faisait une musique pour son ex, où elle lui fait des punchlines. Enfin, contre son ex. Oui, contre son ex. Donc, c'est punchline sur punchline, sur le fait qu'il l'avait quitté, je pense. Hein, il l'a trompé, il l'a quitté. Alors, elle le sauce dans une musique et, c'est et ça. Voilà. Voilà, donc, on l'a écouté deux fois dans l'émission. Si vous l'avez loupé, c'est que vraiment, vous étiez pas attentifs parce que vraiment, on en a bouffé de la Shakira aujourd'hui. Donc, voilà. Mais ah oui, alors il y en a une autre, Miley Cyrus, qui elle a tué le game en écrivant une musique qui s'appelle Flowers. C'est vrai? Ouais, qui est géniale. Et alors là, c'est pas des punchlines, c'est juste en fait qu'elle explique qu'elle a pas besoin de quelqu'un pour l'aimer, qu'elle peut s'aimer elle-même. Voilà. Ah ouais, et le message est super beau. Il y a vraiment, on voit que ça sur TikTok d'ailleurs. C'est vraiment un appel à s'aimer soi-même, que les femmes peuvent s'aimer. C'est bien. Bon, on n'est pas sûr qu'elle y croit elle-même, mais on peut l'écouter. Mais non, oui, mais attends, parce que dans le petit extrait que je t'ai donné, en fait, ce qui est très bien l'histoire de cette musique, c'est qu'elle est en réponse à la chanson de Bruno Mars. Ah, When d'accord. I Was Your Man. When I Was Your Woman. Non, c'était pas ça. Je suis choquée, Alain, là. Et l'ex-mari de Miley Cyrus, donc Liam Hemsworth, lui avait dédié cette chanson en disant que c'était la chanson de leur amour. Et donc elle a refait une chanson qui, en fait, tout répond à tout. Un peu parodique. Ah ok. Il compare les deux, ok. Faut parler anglais, hein. Oui, donc. Ça raconte quoi? En gros, Bruno Mars dit j'aurais dû t'acheter des fleurs. Elle dit ben, je peux m'acheter moi-même des fleurs. J'aurais dû te tenir la main. Je peux me tenir la main moi-même. Te parler pendant des heures. Je peux moi-même me parler pendant des heures. Donc elle dit vraiment en fait j'ai pas besoin de toi. Et donc voilà, et la chanson est sortie le jour de l'anniversaire de son ex-mari. Et alors pour la petite cerise sur le gâteau, c'est que le clip a été tourné, alors ça je sais pas si la rumeur est vraie, j'espère que c'est vrai parce que sinon c'est vraiment magique. Le clip a été tourné dans une villa que son ex-mari louait pour la tromper. Voilà. Oh, sympa. Excellent. Alors là vraiment le petit coup final. Et alors pour vraiment mettre l'ambiance de je vais survivre, j'ai pas besoin de toi. Si on écoute bien la musique Flowers de Miley Cyrus, on entend un petit peu le beat de I Will Survive de Gloria Trenor. Le beat. Bah tout est une histoire de beat. Non, mais dis. Non mais c'est vrai, c'est toute une histoire de tromperie tout ça. Non mais c'est oui, vrai. Oui, c'est vrai. Oh c'est bon, vrai. Je suis pas quelqu'un de dégueulasse. Voilà. Et donc si vous allez sur TikTok, ben vous voyez ça de partout et maintenant vous savez pourquoi. Quelle histoire. C'est non, fou. D'ici quelques instants, de 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. C'est le retour du Blind Clet avec DJ FLP qui sera aux manettes. Ce sera lui l'animateur et on va tous jouer. On sera, nous trois, face à lui qui arbitrera. C'est une première. Et c'est la première fois que je vais jouer au Blind Clet. Et ça, c'est fabuleux. Et franchement, je suis impatient. Ça se passe juste après. DJ FLP. Non, RK maintenant. On l'écoute. Et on avait prévu un petit jeu encore nouveau, mais bon, il est 22h16. Je pense qu'on n'a plus le temps. On va directement passer au Blind Clet. Merci de nous avoir choisi. On est en direct. Je suis pas trop. Merci de nous avoir choisi. L'émission s'appelle La Trappe. On est en direct pour vous faire passer une très bonne soirée. En tout cas, là maintenant, ça va être chacun pour sa gueule, parce que je peux vous dire que on va jouer. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Vous avez remarqué qu'on n'a pas fait jusqu'à 22h parce que ça va être un peu long. Il est déjà 22h20, je pense que là, il est temps de démarrer le Blanklet. The Music Machine. The Music Machine. Music Machine. Je suis impatient parce que c'est la toute première fois que je suis pas du tout animateur de ce jeu. Donc je ne connais pas les clètes qui vont interpréter des chansons ce soir. Je vous rappelle le principe. En gros, c'est des mauvais chanteurs qui proviennent de TikTok et on doit essayer de trouver l'original, titre, artiste. Cette fois-ci, on est trois à jouer. C'est Maître Ruban qui prend les points aujourd'hui. Bonjour Maître Ruban. Bonsoir. Ah, il articule toujours pas. Ça me pète ce Maître Ruban. On aurait dit un me pète. Et c'est DJ FLP qui anime ce soir. En live. Oui, en personne. En personne, le vrai. Le avec vrai un DJ chat FLP. Dans la gorge. Oui, mais on a beaucoup parlé de lui et on a enfin la chance de l'avoir en studio et on est ravis. Enchanté FLP. Merci beaucoup, en tout cas merci pour l'accueil. C'est vrai, est-ce qu'on t'a bien accueilli? Non, il parlait de la réception. Ouais. Non, c'était super sympa, merci. Ah, merci. Ça nous fait plaisir. Ouais, vas-y, je te laisse guider le truc, nous on se laisse bercer. Bon, alors, tu as rappelé le principe, Jadoul. Mm-hmm. Et c'est parti pour le premier son, vous êtes prêts? On est prêts. Michael Jackson, Black or White. Si j'avais oublié qu'on jouait, je voulais faire une blague, je voulais dire c'est Mickey. On peut écouter le vrai? Oh, oui, bien sûr. Ouais, mais c'est presque la même chose, non? Ouais. C'est vrai qu'il y a... Ouais. On peut les comparer, hein. Ouais. Le grain de voix est là. Il y a des choses, peut-être pas dans le bon ordre, mais il y a des choses. Il y a des choses. Ouais, il a ça. Voulu du moins interpréter le texte. C'est ça. Ah non, c'est impressionnant. Ça fait le point pour Maëva. Oui, comme d'habitude, hein, elle ouvre le bal, on la connaît bien. Voilà, voilà. Et moi j'ouvre le bal. J'adore le morceau qui suit. Vous êtes prêts? C'est quoi? Elle a failli l'avoir. Ouais. Non, non, non, non, non. Okay. Non, on ne me la fait pas. Ah. Ah. Kiss, I was made for love you. Il manque juste un petit mot dans le titre. Baby. I was made for loving you. Loving, ah. Ah oui, ouais. C'est ça. Oh. Ou alors il y a ça. Ouais. Ah, c'est space. Il y a un problème d'octave, non? C'est au-dessus, en je pense qu'il y a un problème d'instrument. Et de micro, oui. Non, mais je pense que la spécialité des gens de cette séquence, c'est de chanter à 3 mètres du micro, sans meubles chez eux. Et moi, ça m'a pas choqué. Ouais? Oui. Non, mais si, attention. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a connu. Ouais, ouais. Ah, c'est beau. Ah, ouais, si. Ah, c'est magnifique. Allez, morceau suivant. Ouais. On est prêts? Ouais. C'est parti. Ah, Stay With Me. Mais ça, c'est le titre. C'est le titre. Je l'ai. Sam Smith. Ah. Oh, won't you stay with me? Ou alors il y a ça. Ou alors il y a ça. Ah non, je me suis trompé. Je vous rappelle que c'est lui qui est aux commandes et il découvre le matériel. C'est presque la même chose. Oui, c'est presque la même chose. Bon, ça fait joli, donc point, le point, c'est pour Maëva. Bah oui. Oh, bon, Maëva. Allez. La suite. Jacques a dit, oui, Christophe William. Mais non. Allez, mais tu m'as pas dit que t'étais impitoyable. Non, mais c'est quand on commence le jeu. Enfin, il faut juste qu'on remette l'église au milieu du village. Maëva, son papa, c'est DJ FLP. DJ FLP est la personne qui anime ce blind test. Non. Est-ce qu'il y a eu? Il vient de découvrir. Non. Je débranche la clé USB dans mon jeu. Je m'insurge. Ah. Vous nous prenez. Oui, voilà, aussi. Oh, aussi. Note-leur. C'est vrai, merci Maëva. Note-leur. Je sais plus où sont mes autres fiches, mais. En fait, le projet de bafouille est vraiment sur les rails, là. Oui. C'est top. On est tous assis, allez, voilà. On tourne un petit coup. Donc, à la base, c'est ça. Chaque dit court, chaque dit vol. Et un jour, c'est devenu ça. je ne vis pas tout. C'est une fin de vie. C'est un témoignage du passé. C'était ses derniers instants. On peut le laisser. Ah, pardon. Ah, il est c'est bon. Impressionnant. Je ne vis pas tout. J'ai une larme là. Jacques me dit mort. Et c'est très stéréo, vous remarquez qu'il n'y a que l'instru dans une oreille. Jacques ne sait pas ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Voilà. On est d'accord qu'on ne se moque pas. Non, on n'est jamais. Non, on n'est pas ici pour nous moquer. Absolument pas, vraiment, voilà. On n'oserait pas. Allez, donc le point pour. Oh. Bah. Au fond, c'est pas. Qui point? Il y avait des points. Il y avait des points. Je pense que c'est la dame qui fume une clope là. Oh. La réceptionniste. Bon, allez, dernière chance pour vous pour sauver l'honneur. Oui, on aimerait bien. Est-ce que tu te souviens de moi? Non. C'est Indochine. Mais non. Ça c'est. Ah oui. De célébration. Ça vous dérange pas qu'on vous laisse jouer entre vous? Mais alors voilà, ce qui est triste, c'est que nous sommes trois fans d'Indochine. Ouais. Et que voilà. Ah bah là, c'était hard, hein. Non, mais la guitare, enfin, il y a même plus l'instru. Sauver sa peau. Et le rythme, mais arrête! Il se limait les ongles en fait là. Non, je reconnais que c'est quand même impressionnant. Ouais, ah oui. C'est impressionnant. Bon, on va se faire quand même l'original. C'est quelque chose, hein. Pour le plaisir, l'original. Célébration. Ils ont sorti leur album du Central Tour. Oh. Ils l'ont sorti la semaine dernière, vendredi, et je me le suis fait en entier. J'ai eu les frissons que j'ai eu au concert. T'as su l'avaler? Si tu l'as fait en entier, t'as su l'avaler. Ouais, c'est une petite blague. Ok, voilà, okay. Très bien. 22h26. Donc un bon album. Hein. Un très bon album, oui, c'est ça qu'on voulait dire. Ah, c'était fou. Donc ce Blanklet n'a servi qu'à toi, Maëva. Oui, mais donc, merci beaucoup, j'ai passé un bon moment. Non, mais j'ai l'impression que c'est bon, vous avez magouillé entre vous. Mais pas du tout. Mais ça, tu vois, ça, c'est... être mauvais perdant, ça, Jadoul. Moi, mauvais perdant? Ouais. Un mauvais perdant. Ah non. Je suis premier joueur. Si vous vous arrangez entre vous avant l'émission, voilà, moi j'y peux rien. Bon bah merci beaucoup, Monsieur FLP, pour cette grande séquence. Grand plaisir, plaisir, et merci de m'avoir donné un petit peu les commandes pendant l'espace d'un instant. Voilà. Bah, c'est vrai que si jamais c'est à refaire, c'est la toute première personne. Ouais, si un jour vous avez besoin d'un doigt ou de plusieurs doigts. Non, ça va. Pour appuyer sur les boutons, j'en vais 6 pour appuyer sur les boutons. On a besoin de tous. Sauf deux doigts. Ok, d'accord. Bon, c'est bien. Il est dans le même mood que nous. Hein. Alors, il faut savoir que dans ce studio, la table se démonte et sous cette table-là, il y a des platines. Est-ce que si un jour on te prévient un peu à l'avance, on peut se faire un quart d'heure de mix en fin d'émission? Sur un malentendu, tout est possible. Ah, ça c'est bien. Eh ben, on se tient très vite au courant, on va faire ça. Et nous, on se charge du jingle d'intro. Ça vous va? Oui, pourquoi pas. Allez, on va te faire un truc un peu à la c'est Jadoul qui pilote. Je sais pas si tu l'as sous la main là. C'est quand c'est fait l'écran. En haut, un c'est peu. C'est Jadoul qui pilote. Un peu vers le haut. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. On va faire une version FLP. Ce soir, c'est FLP qui. Il y a moyen. Ouais, c'est FLP qui pilote. On va essayer de faire ça pour la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous pour cette belle émission. Merci. Gagne le blind test. Oui. C'est pas grave. Ah non. On vous laisse avec 30 minutes de retard pour la suite du programme. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, en podcast partout. La Trappe revient mercredi prochain.